Do it. Kumbie mwange kumbi maduma musime mwangai yobe kumbi maduma musima mututingaga dumino wande kumbi maduma musime mwangai kumbie mwange kumbi maduma musime yobe kumbi maduma musima mututingaga dumino wande kumbi maduma musime kumbie mwange kumbi maduma musime Yobeki mwange kumbie kumbi maduma musime Yobe kumbi maduma musima mutu tinga kadumi na wande kumbi maduma musime kumbie mwange kumbi maduma musime Yobe kumbi maduma musima mutu tinga kadumi na wande kumbi maduma musime Bagi mwange kumbie kumbi maduma musime Ogi bagi mwange kumbie kumbi maduma musime Yobe kumbi maduma musima mutu tinga kadumi na wande kumbi maduma musime mwanga iye Bonsoir tout le monde. Soyez tous salués, bienvenue sous le temple de Tetamwak, le temple du savoir sur Tetanzambe, le tout-puissant Kana, lequel temple spirituel qui est là pour défendre l'Iboga, qui est là pour justement transmettre les connaissances qui sont liées avec la manifestation de l'Iboga, manifestation de la plante sacrée. Étant fils né dans ce beau pays, le Gabon, je me bats jour et nuit pour défendre justement cette plante. Je me bats jour et nuit pour transmettre simplement, pas moi, mais je ne suis qu'un canal d'expression qui est là pour transmettre les connaissances. Ça fait près d'une heure que j'avoue, j'ai beaucoup lutté pour pouvoir faire ce live ce soir. Eh bien, comme vous le constatez, c'est un live trop puissant. Donc, les esprits du Miasme du bas astral, les agents qui travaillent avec ces esprits ont rendu la vie dure. Je n'ai pas dormi toute la nuit. Depuis que j'ai sorti ce sujet sur Facebook, je n'ai pas vraiment dormi. J'ai eu des attaques de partout. Même en plein studio, dans mon temple, les gens veulent m'attaquer. Donc, ce qui fait que ça, dans l'ancien, et pourtant c'est un appareil qui n'a que 6 mois que j'ai acheté, qui est quand même plus stable. C'est un iPad avec tout mon studio là-dedans. Au moment où j'ai voulu tenter donc de lancer le live, ça a pété. Voilà, là je suis obligé de faire le live sur mon petit téléphone. J'espère que vous me recevez bien sur ce téléphone. C'est pas grave, c'est un appareil qui m'a fait à peu près 800 000 francs. Je vais en acheter un autre. C'est pour vous dire que la thématique de ce jour est une thématique assez importante. Et que vous avez le titre. J'ai dû modifier le titre pour que les choses puissent peut-être aboutir au mieux ce soir. Notre rendez-vous était pourtant pour 21 heures. Mais Les miens sont du bas astral depuis 20h30 que je me prépare. Voilà maintenant l'heure à laquelle on démarre. Donc, pardonnez-moi pour le retard. Le sujet, je l'ai bien dit, que ça va beaucoup bousculer les esprits. Et voilà, effectivement, depuis hier, c'est pas grave, je n'ai pas eu de blessures spirituelles, je n'ai rien eu. Bon, généralement, quand il y a toute une armée qui vient vous attaquer, vous ne dormez pas, vous restez éveillé. Donc, mes génies sont là, ils veillent sur moi. Je voudrais donc, avant de démarrer ce sujet, avertir tous ceux qui de loin et de près. Et je veux le dire et en anglais et en français, parce que j'ai également les attaques des Américains ici. Les attaques que je reçois des Américains, je les reçois des personnes qui persécutent notre petit frère, Patrick, dont je vous avais fait le témoignage la dernière fois. Eh bien, sa femme, comme par hasard, est rentrée en possession donc du téléphone de notre frère et a exposé mes enseignements. Elle est rentrée là-dedans, donc ces esprits du vaudou sont rentrés dans mon site pour pouvoir savoir ce qui se dit. Donc, il y a beaucoup d'attaques. Permettez-moi donc de dire ceci en anglais. I know there is somebody who's been trying to get into my YouTube channel. For your information, I'm not living in Africa, as you mistakenly said. I'm right here in the US. If you want to have the battle with me, you're more than welcome to come and join me, please. I'm in Dayton, Ohio. Nothing to hide. Then you'll come across with the spirits of my country, of the motherland. You don't know who they are. So please, I did what I have to do to save my brother because with your voodoo witchcraft, you intended and you keep disturbing his peace of mind, you keep disturbing his life, and you go through his wife. And last time you went through his phone to access my channel here. So please, come in. You are more than welcome to come in to test me. By the way, you got the wrong information. I'm not broadcasting from Africa, I'm broadcasting from the US. Once again, I'm in Dayton, Ohio. So feel free to come and visit me. I do this with the power of the light, with my ancestors, with all the spirits. You don't know the origins of them. You, servant of the darkness, I can guarantee you, from the darkness where you are, you'll be destroyed. I guarantee you, you will be destroyed completely and forever, and you will regret. And I repeat what I said last time. Two of you will die. Two of you will die. Enough is enough. And stop. Stop. And should stop right now. Merci beaucoup. Bien, nous allons donc parler de notre. La personne se reconnaît, hein? Elle se reconnaît. Ces gens dont je vous parlais la dernière fois, ils sont logés dans la zone de la Géorgie, dans un petit village. Et depuis là, c'est des attaques. Et le pauvre, ils ne sont pas contents du fait qu'on a pu protéger, on a pu faire des travaux pour lui. Et donc la femme nous a vendus auprès de ces sorciers. Et c'est dommage. Donc je suis attaqué au niveau des États-Unis, je suis attaqué au niveau du Gabon, je suis attaqué de partout. Mais rassurez-vous, ils ne peuvent pas m'avoir. Ils ont détruit mon appareil. C'est rien. Il y a une protection dessus, hein, de Lifetime. Donc, je vais tout à l'heure, dès que je finis avec vous, je vais aller à Best Buy, ils vont me donner un nouvel appareil. Je crois que c'est le même prix, hein, c'est autour de 800, 900, 1000 francs CFA. Donc, 1 700 $. Ça va aller et nous allons démarrer. Donc, le sujet d'aujourd'hui, justement, c'est comment maîtriser les caprices des esprits. Et quand il s'agit de maîtrise des caprices des esprits, eh bien, il faut d'abord identifier qui sont ces esprits-là. Nous avons parlé donc tout à l'heure dans le titre, vous avez vu, j'ai fait mention de ce que les religieux appellent les anges. Les anges ont des caprices et il faut savoir les maîtriser. Les démons, ils ont des caprices, il faut savoir les maîtriser. Les égrégores, les esprits familiers, les bouitis, les protections qu'on vous donne, toutes catégories. Alors, j'ai donc classifié ces différentes catégories de la manière suivante. Il y a d'abord ce qu'on appelle les esprits réels. Mais qui sont les esprits réels? Les esprits réels, ça veut dire que c'est des créatures qui ont été créées par Tetamwanga, l'être suprême, le créateur des cieux et de la terre. Now, oh, thanks God, you just got in. You have the audacity to come into my show. Welcome. Now, today, I'm going to talk about the different categories of spirits in the dark or in the light. Now, I'm talking about the religious people teaches that we do have what we call angels, demons. Those are spirits who were created by God directly. Okay? So we have demons, we have angels, we have all kind of different spirits, but those are the main ones. And under them, they are classified in different levels. So today, how you can masterize, how you can be a master of all these spirits when they all go crazy or acting up, how you can control them, how you can control the madness of all these spirits. And that's what I'm going to talk about today, including you who are watching me, because you try to act up, because I try to protect my brother, using his wife and suck his energy, because you are manipulated by the darkness, the forces of the dark. So, disais-je, nous avons donc cette catégorie d'esprits, les anges, les démons. Il y a également les esprits des génies, il y a les esprits de nos ancêtres. Donc, tous ceux-ci sont des esprits réels. Qu'est-ce que j'entends par esprit des ancêtres? Pendant que vous êtes vivant, vous savez que vous êtes la divinité de Dieu. Vous avez été créé à l'image de Dieu. Donc, quand vous mourrez, votre divinité ou votre âme quitte le corps physique. Lequel corps physique? Poussière, tu es poussière, retourne à la poussière. Mais votre âme se désincarne, se désintègre, repart vers le monde invisible. Alors, dans le monde invisible, vous êtes une âme, soit une âme errante, si vous n'avez pas été initié, soit une âme errante parce que vous n'avez pas une appartenance quelconque. Vous devenez une âme errante, c'est parce que vous n'avez pas pu honorer vos parents de leur vivant. C'est parce que vos parents vous ont rejeté, donc vous devenez une âme errante. Vous devenez également une âme errante, c'est parce que vous avez été victime d'un accident bizarre. Accident bizarre, c'est-à-dire qu'on a utilisé votre âme pour ce qu'on appelle des crimes rituels. Et quand vous utilisez pour des crimes rituels, vous devenez une âme errante. Donc, ça également, ce sont des esprits réels. Il faut retenir cela avant que nous démarrions notre thématique du jour. Comment on peut maîtriser ces esprits? Alors, donc, retenez, les anges, il y en a plusieurs catégories. Il y a les archanges. Je ne vais pas les citer dans le machin. Il y a des chérubins, des séraphins, de ceci et de cela. Tout ce monde invisible-là, les grands maîtres invisibles. Il y a des esprits désincarnés. Hilarion, l'apôtre Paul, celui que vous appelez Jésus, est dans une autre catégorie d'esprits. Moïse aussi, c'est un esprit réel. Abraham, ce sont des esprits. Nos ancêtres, ce sont des esprits réels. Bon. Ensuite, il y a d'autres esprits, une autre catégorie d'esprits. Les esprits qui sont fabriqués par l'homme. Mais ces esprits qui sont fabriqués par les hommes, ce sont lesquels? Ce sont les esprits égrégoriques, de type religieux ou de type fétichiste. Voilà une autre catégorie d'esprits également qui peut vous emmerder. Les esprits religieux, nous les savons, ce sont les histoires des religions, là, débat Jésus, les chrétiens, et ceci, sauf les musulmans. Le diable cornu avec une fourche qui fait du mal aux gens, et ainsi de suite. D'accord? Alors, dans cette catégorie, nous avons identifié, dans cette catégorie des esprits, il vous est recommandé en tant qu'initié de pouvoir les maîtriser. Mais avant d'en arriver au comment, il faut d'abord comprendre que ces esprits-là, que ce soit les esprits réels, que ce soit des esprits de type grégorique, de type, comment on appelle ça? Fétichiste, c'est-à-dire, vous partez voir un marabout, il vous fabrique un fétiche, vous partez voir un magicien, il vous envoie une bague, il vous envoie ceci. Donc, ces esprits-là, comment sont-ils envoyés chez le magicien? Le magicien, c'est celui-là qui va porter ces articles-là. Soit il va porter la médaille, soit il va porter le talisman, soit il va porter la bague. Donc, comment ces esprits en réalité sont envoyés? C'est toutes ces questions que je vais répondre. D'abord, parlant de la catégorie des esprits, les anges. Quel est le rôle que jouent ces esprits? Je ne vais pas vous emmener dans un chapitre que j'avais prévu de développer ici. On appelle ce chapitre-là l'angélologie. Dans l'angéologie, je ne sais pas si la science existe, mais j'ai pensé à cela depuis près de 30 ans, l'angéologie étant l'étude des anges, l'étude des esprits de l'au-delà. Dans cette étude, donc, j'ai compris que ces esprits, en réalité, quand vous allez rentrer dans l'initiation de la grande cabale, on vous expliquera que les anges, leur rôle, c'est de pouvoir apporter la lumière. Ce sont des messagers, ce sont eux qui inspirent. Ça, c'est dans le langage religieux. Mais pour nous, initiés, on les appelle les génies, les grands génies. Ces grands génies qui ont commencé depuis le commencement de l'histoire de l'homme, ils sont capables de pouvoir nous influencer. Ils sont capables de nous inspirer, souvent, dans nos méditations, dans nos recherches, dans tout travail mystico-spirituel que nous faisons. Donc, ces esprits, en réalité, sont au service de l'homme. Que vous le vouliez ou pas, ils sont à nos services. Il y a certains qui sont assignés par les dieux ou par le créateur, voulais-je dire, pour assurer la protection d'une nation. Et dans cette catégorie d'anges, il y a des génies selon la planète. Par exemple, la planète Terre est régie par un génie. Et ce génie, le nom commence par S. Ce génie-là, donc, il rend compte à un grand génie qui est au-dessus de lui. Le génie qui commande toutes les 12 planètes. Et là, je parle de notre galaxie. D'accord? En dehors de notre galaxie, il y a d'autres génies qui sont encore plus puissants, qui communiquent avec un génie qui est supérieur à toutes ces galaxies. Résumons tout simple pour éviter de vous donner des maux de tête. La planète Terre fait partie d'une galaxie. Et de cette galaxie, il y en a 12 planètes. Lesquelles 12 planètes gravitent autour du Soleil? Maintenant, tous ceux-ci, ils sont régis. Chaque planète a son dieu planétaire, a son génie planétaire. La planète Terre, son génie commence par la lettre S. Il ne nous est pas permis de prononcer leur nom. Ce n'est pas Satan, rassurez-vous. Mais son nom commence par S. C'est un génie, vous pouvez l'invoquer, vous pouvez travailler avec lui. Donc ce génie-là, à ses côtés, il a au moins trois génies puissants. Il y a un génie qui s'occupe des affaires politiques de la planète Terre, qui inspire tous les chefs d'État à chaque fois qu'ils se retrouvent, lorsqu'ils ont des réunions. Il y a un génie qui se charge de la, comment on appelle ça, de l'évolution de l'espèce humaine, c'est-à-dire qui surveille les gens tels que nous autres, qui essayons de nous brancher sur la grande lumière universelle pour apporter la connaissance, pour aider le commun des mortels à avoir accès à leur originel, à comprendre les histoires de ceci. Donc, ça, c'est un autre génie. Il y a des génies également qui sont là pour veiller à ce que, comment dirais-je, il n'y ait pas, en un mot, un génie de protection. Mais ces génies-là sont sous la tutelle du grand génie qui garde la planète Terre, dont il en a trois qui lui rendent compte. Maintenant, la planète Terre elle-même étant sous l'influence d'un génie, mais nous savons que sous notre galaxie, à nous, sous notre système galactique, nous avons 12 planètes. Mais ces 12 planètes-là, donc par exemple la planète Mars, a un génie. Et ce génie, lui, il est au contrôle de tous ceux qui vivent dans la zone de la planète Mars. Je vous rassure qu'il y a la vie sur Mars, hein. Ce n'est pas parce qu'on ne voyait pas des gens, on envoie des fusées, tout ça. Quand on dit qu'il n'y a pas vie, c'est-à-dire que nous les humains, on va pas aller vivre là-bas. Mais il y a des êtres qui y vivent. La planète Saturne, c'est pareil. Il y a des êtres qui y vivent. Mais ils ont un génie très puissant qui contrôle et qui régule tout ce qui se passe au niveau de la planète Saturne. Lui également, il en a trois génies qui sont sous sa tutelle, qui s'occupent des questions économiques, des questions politiques, des questions sanitaires, qui résout les problèmes de guerre et ainsi de suite. Et tous ces génies rendent compte au grand génie planétaire. Maintenant, puisque nous avons 12 planètes, donc ces 12 planètes ont donc 12 grands génies qui n'ont rien à voir avec les anges, hein, je vous informe. Maintenant, ces génies-là, eux, ils sont sous la tutelle du génie solaire, donc qu'on appelle le Logos. Donc, c'est un génie ou le dieu du soleil. Parce que tous gravitent autour du soleil, n'est-ce pas? Donc, toutes ces 12 planètes sous leur système galactique ont ce dieu-là au niveau solaire. Maintenant, les autres planètes, c'est la même chose. Et vous allez découvrir qu'il y en a même plusieurs lunes. Il y en a trop, trop des milliers de galaxies. Parce que nous, notre univers à nous, dans lequel nous vivons, est régi par cette façon de comprendre les choses, c'est-à-dire que nous avons les 12, et les 12, il y a j'ai 12 esprits, 12 grands esprits, et 12 grands, oui, esprits, et ces esprits sont sous la tutelle d'un grand esprit qui est le Dieu solaire, le Logos. Vous pouvez l'appeler Dieu. Maintenant, puisque on nous dit qu'il y a plusieurs univers, notre univers à nous, il y en a 12 planètes sous un système solaire. Mais les autres, il y en a. Je ne vais pas parler de ceux-là qui ne nous intéressent même pas. Et c'était, j'ai même commis une erreur de vous parler des dieux planètes, de dieux de Mars, de Saturne, que vous ne connaissez pas. À moins que vous soyez un véritable initié des grands mystères comme moi, vous aurez l'opportunité d'aller visiter ces planètes-là pour éviter que vous me preniez de fou. Voilà pourquoi je ne vais pas trop développer ça. Mais je vais plutôt me contenter de la planète Terre. Donc, sur notre planète Terre, nous avons un grand génie qui s'appelle S. Son nom commence par S. OK? Voilà, il fallait que je donne ces précisions. Maintenant, au niveau de la planète Terre, nous avons, tout comme sur la planète Terre en elle-même constitue aussi un corps. La planète Terre est un corps physique. Tout comme nous, ce corps-là, voilà le corps physique qui est le plus grossier. Mais en dehors de ce corps, le corps grossier, en fait, n'est que le résultat de plusieurs corps. Par exemple, le corps mental, vous ne le voyez pas, mais il est logé dans la tête. Le corps éthérique, vous ne le voyez pas, mais il est le reflet de tous les autres corps, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de ce corps physique-là. Il se reflète et crée ce qu'on appelle le corps éthérique. Le corps énergétique, mais vous ne le voyez pas. Ce corps énergétique, comme le mot le dit, c'est un corps d'énergie. Il se trouve dans notre corps. Il se développe également. Ça vous empêche de tomber malade et tout, tout. Bref, donc dans la composante même de l'homme lui-même étant esprit, l'esprit, donc le génie qui est dans le corps de l'homme, il est composé de plusieurs corps qui l'entourent, et à l'extérieur et à l'intérieur. Est-ce que je suis allé trop loin? Pardonnez-moi. Le sujet, c'est comment maîtriser les esprits, comment maîtriser les caprices des esprits. Mais il a fallu d'abord que je vous donne la catégorie des différents esprits. Les esprits religieux, donc les anges, les démons et tout ceci, il y a les esprits religieux également, ce qu'on appelle les égrégores. Et je vous avais dit dans l'autre enseignement la dernière fois que la planète Terre, là, c'est la seule planète où il y a trop des dieux égrégoriques. Et que malheureusement, c'est des créations humaines. Qu'est-ce que c'est les dieux égrégoriques? Mais ce sont les religions. Nous en avons 3 millions de religions. Mais puisque la religion est une création humaine, alors il en résulte de cette création des esprits. Et ces esprits, on les appelle des esprits égrégoriques. Ou encore des entités, en latin ou en grec, qu'on appelle entitas. Donc, ces entités dans leur ensemble forment alors l'égrégore religieux. Quand vous allez voir quelqu'un, chez un marabout, il vous fait un fétiche. Le fétiche qu'il va vous faire, en réalité, il rentre en communion avec quoi? Avec qui? Il rentre avec 2 catégories d'esprits. Il rentre d'abord avec l'esprit égrégorique de l'islam, parce que le monsieur doit connaître le soufisme. Mais connaissant le soufisme, mais il se branche sur l'égrégore de l'islam. Parce que l'islam je vous l'ai toujours dit, que la religion n'a rien à voir avec Dieu. La religion est une création humaine. La même chose pour quelqu'un qui prie à l'église catholique, quand il dit Ave Maria, mais Ave Maria, c'est un égrégore. Ave Maria existe en tant qu'esprit dans le monde de correspondance. En psychologie, on nous dit à tout état de conscience égal à tout état de vie. Donc, tout ce que l'homme a créé et y croit se retrouve dans le monde invisible. Voilà pourquoi je vous avais dit la dernière fois que le monde de reflets, selon la terminologie de la Rose Croix d'Or, que j'étais également membre pendant un certain nombre d'années, là-bas, ils vont vous expliquer qu'il y a ce qu'on appelle le monde des reflets. Mais ce monde des reflets, comme le mot le dit, reflet veut dire le monde qui reflète ce que nous avons sur notre planète Terre, là, c'est la création purement humaine. Maintenant, au niveau de mes connaissances en matière de la logologie, de la science des sciences, eh bien, nous comprenons que ça fait partie de la catégorie égrégorique. Maintenant, tous ces esprits-là, les esprits que l'homme a créés, oh, qui créent des énergies, des égrégores, mais ils vibrent et ils vivent. C'est des entités qui existent réellement. Jésus, que les chrétiens ont inventé, mais cet esprit existe réellement. Ce n'est pas une surprise que lorsque il vous force de rentrer par la foi, rien que par la foi, vous rentrez en communion avec l'esprit ou l'égrégore de Jésus. Mais c'est normal. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que les phénomènes religieux fonctionnent sur des magies égrégoriques. C'est aussi simple à comprendre. Et là, je vous parle en tant que scientifique. Ça, c'est un fait. Bien. Même les scientifiques savent que l'énergie existe, que la matière est venue à l'existence à cause de l'accumulation de l'énergie. Donc ça, on ne peut pas en discuter. Donc j'ai ma tête sur mes deux épaules, tranquille. Maintenant, les esprits que l'homme crée, disais-je, pourquoi ils sont plus nombreux que les esprits que Dieu a créés? Mais la raison, elle est simple. Au lieu de s'initier, c'est-à-dire de rentrer dans l'école de la connaissance du béaba, de chercher à connaître Dieu à l'intérieur, ils ont extériorisé leur divinité. Alors, ils ont eu du coup étouffé leur âme et allé chercher Dieu à gauche, à droite. Parce que religion vient du mot religare. Aller chercher Dieu, chercher quelqu'un qu'on va appeler Dieu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc, par cette extériorisation, vous pensez que vous faites comment? Mais votre âme se greffe à un ensemble d'individus qui se retrouvent quelque part, comme je l'avais défini la dernière fois, la définition de l'égrégore. Et puis, votre âme maintenant nourrit cet égrégore. C'est votre âme en fait qui a contribué à l'existence de cet esprit égrégorique. L'Église catholique, apostolique et romaine, ça a été créé par près de 292 personnes qui se sont retrouvées là-bas à Rome. Et ils ont canonisé leurs histoires et ils ont arrêté ça comme ça, qu'on va appeler cet esprit-là Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Alors que tout le monde sait que Nazareth n'avait jamais existé. Le mot Nazareth vient du mot naziréen. Naziréen, c'est une secte qui a existé au 1er siècle et qui existe jusqu'à aujourd'hui. On retrouve ces Naziréens au niveau de l'Iran et en Irak. Non, en Iran, autant pour moi, c'est en Iran. Voyez-vous, puisque c'est là-bas où on retrouve encore la vieille Bible qui est écrite en araméen. Alors, c'était très important d'avoir ce genre d'informations techniques hein, avant de rentrer dans le but de notre sujet de ce soir. Alors, tous ces esprits que les hommes ont créés se baladent à gauche et à droite. Et ce sont ces esprits-là qui nous font du mal. Sans oublier les sorciers. Quand on vous demande de maîtriser vos pensées, qui est sorcier? Le sorcier au sens négatif. Le gars qui est là, comme m'a confié quelqu'un aujourd'hui, ce matin, qui m'a expliqué son problème, ses parents l'en veulent, ses parents attaquent ses enfants. Mais pourquoi? Mais parce que qui devient sorcier est celui-là qui continue à murmurer des mauvaises paroles à l'égard de son frère, à l'égard de son enfant, continue à se plaindre. Ah, vraiment, Mouduma, toi, depuis que tu es parti aux États-Unis, Mouduma ne fait rien pour nous. On va voir s'il est vraiment sorti de moi. On va voir. Bon. Donc, ce genre de paroles-là, mais ça forme des égrégores dans le monde invisible. Ça forme une entité. Ça forme des esprits. Maintenant, quand cet esprit voyage dans l'espace et le temps, si vous n'êtes pas protégé, si vous n'êtes pas initié, si vous n'êtes pas quelqu'un qui sait contrôler ces ondes négatives qui voyagent dans l'espace et le temps, vous allez être victime de cette sorcellerie. Voilà la notion de sorcellerie, comment ça se définit. Ce n'est pas forcément une manipulation fétichiste ou une manipulation des forces de la nature, mais c'est tout simplement vous, de votre côté, une croyance et une projection de votre esprit, envie de croire à cela. Parce qu'au village, on vous a dit que votre grand-mère vous maudit jour et nuit, et vous paniquez, vous dites c'est fini. Là, je suis sous le coup de la malédiction, c'est fini, je vais recevoir ça. Et c'est le fait que vous contentez, comment vous nourrissez trop de cette foi. Parce que toute chose est basée sur la foi. La foi définie telle que, qu'on appelle ça? La claire démonstration des réalités que l'on ne voit pas. Hein? La claire des réalités que l'on ne voit pas, mais qui résulte de notre propre pensée. Que nous pensons que cela va se passer ainsi. Ainsi, dans la philosophie et la psychologie, on dira à tout état de conscience égal à tout état de vie. Mais si tout le monde avait cette possibilité de comprendre cette vérité, et c'est ainsi, vous n'irez même pas dans les religions, parce que vous serez capable, par des phénomènes de, on appelle ça comment, d'affirmation, changer votre vie. Je suis ce que je suis président, je suis directeur, je suis un élève brillant, je suis un homme d'affaires, je suis riche, comme l'a fait Monsieur Bill Gates, qui n'a même pas fait de grandes études universitaires, qui n'a pas eu de diplôme, qui a abandonné. Aujourd'hui, il est devenu multimilliardaire. Ça, c'est le bon exemple, mais je n'aime pas trop le prendre comme bon exemple parce qu'il est impliqué dans pas mal de conneries. Bref, ces esprits, puisque là, maintenant, je réponds à la question, Comment les maîtriser? D'abord, avant de savoir les maîtriser, ces esprits-là, comment on vous les envoie? Je vais vous expliquer comment ça se passe. Le professeur vous envoie une bague. Voici une bague. Okay? Elle est là. Il vous l'envoie. Et vous rentrez en correspondance. Vous allez parler que, ben, écoutez, l'article viendra. Je vous l'envoie par la poste. Ou bien je vous envoie par la poste mystique. Poste mystique veut dire que il y a des gens qui le font jusqu'à aujourd'hui, hein, mais ils sont plus nombreux. Oh, vous allez recevoir le colis dans votre chambre. Donc voici la bague, elle est là. Cette bague-là, on l'emballe dans du papier. Et généralement, le talisman en question, bague ou chaînette, ça vient avec des prières et des instructions. Pourquoi? Mais parce que lorsque, pour vouloir mettre en marche la magie, donc la mise en circulation des forces ou des vœux de votre article, il faut d'abord créer ce qu'on appelle le déclic. Donc, il faudrait faire tout le possible pour que vous rentriez en connivence ou en connexion avec l'esprit ou les esprits qui sont dans votre article. Parce qu'il faut le retenir qu'il y a des esprits là-dedans. Sauf, ce matin, on m'a posé la question, le cas d'un ami à moi qui fait une pierre spéciale qu'on appelle la gemme atiale. Il y a, en dehors de la pierre, de la gemme atiale, il y a une autre pierre qu'on appelle la pierre du Nord qui existe en France. Également en Égypte, il y a certaines pierres comme ça, ici aux États-Unis également. Ces pierres-là ont des propriétés magiques. Quand vous portez ça sur votre corps, ça vous protège naturellement. Ça va nettoyer votre âme. N'importe quelle sorcière ne peut pas vous pénétrer. Votre corps devient amer, électrique, les gens. Personne ne peut vous pénétrer. C'est des pierres que Teta Mwanga, par phénomène, je ne sais pas, ça a un nom scientifique là. Donc, vous verrez qu'il y a certaines pierres qui viennent de l'au-delà qui tombent. Et ces pierres-là, ça, on les appelle des stéroïdes. Est-ce que c'est des astéroïdes? Ah merde, où est le mot? Aidez-moi ici là. Astéroïdes ou bien astéroïdes ou quoi, je ne sais pas. Donc, ces pierres-là qui viennent d'autres planètes, certaines de ces pierres sont chargées de grands pouvoirs et on les appelle des pouvoirs magiques. Ce qui fait que cette pierre-là, on vous la taille et on vous la fait, on fabrique ça sous forme de bague ou sous forme de. Quelqu'un m'a trouvé le mot. Météorite. Merci beaucoup. Voilà. Merci. Les météorites. Donc, ces météorites-là, ce n'est pas du n'importe quoi. Ou des astéroïdes. Oh, oui, il y en a tout ici. Merci, oh. Astéroïdes. Voilà. C'est surtout les astéroïdes. Astéroïdes venant du mot astre. Donc, ces astéroïdes-là, quand ça tombe, vous ne savez pas où ça vient. Et on a trouvé certains astéroïdes dans certains pays qui dégagent une lumière, jour comme nuit. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails pour éviter de se dévier du sujet. L'ami dont je parlais, les gens m'ont posé des questions dans le forum. J'ai dit oui, la pierre là, ça existe depuis des milliers d'années. Lui, il dit que non, il a besoin seulement de votre âge, de votre nom. Bon, ça, comme je fais les consultations aux gens, je demande souvent le nom, prénom et la date de naissance. C'est tout. Ne cherchez pas à savoir pourquoi. On ne va pas vous tuer pour ça. Mais la pauvre pierre, cette pierre là, une fois elle est travaillée, il va la former, il va la faire en forme de bague. Voyez-vous? Et je fais exprès au cours de cet enseignement pour la porter. La voici. Voyez? Il y a un symbole qui est là. Vous voyez bien? Si vous pouvez bien voir, le symbole est là. Voilà. Ça, c'est cette fameuse pierre. Okay? Ça varie des prix. Celle-là, je crois que celle-ci, à l'époque, ça faisait autour de combien? Je crois 1000, 1050 euros, quelque chose comme ça. Actuellement, ça doit être autour de 1500. Ça dépend. Et si en or, ça doit coûter autour de 3000 à 4000 euros. Mais la pierre, c'est cette pierre-là que vous voyez là. Voilà. C'est cette pierre-là. Elle paraît noire. Donc, cette pierre est une pierre magique ayant des propriétés multiples. Elle, vous n'allez pas tomber malade. Vous ne tombez pas malade. Vous ne connaissez pas des maux de tête. Les démons ne peuvent pas vous pénétrer. C'est naturellement travaillé comme ça. C'est Tétan Mwanga. Astéroïde, comme vous voulez. Donc, ces pierres-là, il y en a beaucoup comme ça. En France, il y a deux coins où ces pierres existent. Il y a la pierre du Nord et il y a cette pierre-là. Chez monsieur, le monsieur, je ne vais pas citer son nom ici, là. J'ai déjà donné les informations dans les forums. Allez-y et j'ai donné même son adresse. Tout, tout, tout, tout. Il existe un numéro de téléphone, vous pouvez commander. Mais je vous avais avisé que ça coûte très cher. Parce que le plus souvent, le prix, je crois que l'article le moins cher, le plus simple, c'est autour de 400 ou 500 euros. Et ça va jusqu'à 7 à 8 000 euros. Parce que je vous avais montré l'autre. Bon, c'est pas, je ne l'ai pas là. Celle qui vous permet d'être en harmonie avec les 12 planètes. Celle-là, elle m'avait coûté presque 7 000 euros. Donc, autour de 4 millions de francs CFA. Ça n'a rien à voir avec les esprits. Donc, il y a des exceptions comme ça. Mais par contre, la majorité des maisons, 95%, souvent, ils vous font ces médailles-là, ces bagues, ils les vous envoient. Et quand ils vous les envoient, il y a des prières. Mais ces prières, c'est quoi? Ce sont des prières qui vont vous permettre, quand vous allez suivre les instructions, ces prières-là, justement, vont vous permettre de rentrer en communion avec cet esprit qui ne vous connaît pas. Voilà pourquoi j'ai sorti une vidéo ici où j'expliquais que il y a certaines maisons en Inde que je connais très bien, avec qui je travaille depuis longtemps. J'étais leur représentant pendant près de 29 ans. OK? Cette maison-là, quand elle vous envoie l'article, on va vous demander cinq éléments. Suivez, la vidéo est ici. Ces cinq éléments-là, c'est quoi? Parmi ces éléments, il y a la salive. On vous demande de mettre la salive avant de qu'on vous envoie l'article. On vous demande d'envoyer votre photo. On vous demande de vous blesser et de mettre le sang. On vous demande quoi encore? Les ongles. On vous demande les mèches de cheveux de la nuque. Voilà les éléments qu'on vous demande. Mais il y a une raison. Mais puisqu'on est ici, rien n'est tabou. Mais ces éléments qu'on vous demande, c'est pour permettre quoi? Mais c'est pour permettre justement votre ami là qui va travailler pour vous, bien vos amis, c'est-à-dire pour permettre ces esprits-là de maintenant rentrer en communion avec vous pour dire, oh, mais c'est le Gabonais là. Oh, ben maintenant on peut le voir. Donc c'est ce Gabonais là qui veut, il veut que moi je travaille pour lui. Donc, maintenant, le maître là-bas en Inde dira, pardon, c'est lui, vous irez travailler pour lui, c'est lui. Maintenant, une fois, eux, ils ont reçu ces éléments-là, l'esprit va maintenant être dans votre peau. Et puis l'esprit viendra. Mais même là, dès que l'esprit vient, il faut toujours cette boîte de Pandora là que vous devez ouvrir. Hein? Comme l'affaire du magicien dans le truc là, d'Aladin. Donc, on va vous envoyer une prière. Vous allez lire la prière. On vous donne certaines recommandations. Ça dépend. Bon, moi, il y a certains que je détiens jusqu'à aujourd'hui. On m'avait dit pendant 90 jours, pas d'activité sexuelle. Il faut prier pendant ces 90 jours. Il faut, comment dirais-je, il faut faire certaines choses pendant ces 90 jours. Il faut éviter de parler d'une certaine heure à une certaine heure pendant ces 90 jours-là. Donc, vous respectez, vous faites ça pour. Après 90 jours, vous allez voir le changement. L'esprit va même se manifester maintenant. Il dira, OK. Donc, vous avez tout compris. Donc, là, l'esprit se manifeste. Mais ce genre de choses-là, les esprits, généralement, ne demandent pas de sacrifices. Ils ne vont pas vous faire trop de caprices. Ils ne vont pas vous faire des caprices. Les esprits qui font les caprices, ce sont les esprits qui, souvent, qui sont de la haute magie. Je vous ai donné l'exemple. Qui vous demande les cinq éléments parce que vous êtes déjà embrassé. Et ensuite, parfois, dès que vous avez tous ces cinq éléments-là, et puis la maison en question va vous dire que non, il n'y a pas de sacrifice. C'est faux. Je vous dis, c'est faux. Parce que toute maison magique qui vous demande vos cheveux, vos photos, la salive, le sang, les mèches de vos cheveux-là, il y aura sacrifice. Et je vous explique pourquoi tout de suite. Pourquoi? Mais parce que ces éléments-là vous permettent de rentrer en communion directe avec les génies qui viennent de l'Inde ou de l'Égypte. Ce ne sont pas vous les génies de vos ancêtres. Ça, ce n'est pas les génies de vos ancêtres. Ce sont des esprits qui vont devenir vos esclaves. Tout comme ça se passe chez moi au Gabon, on fait des crimes rituels. Mais quand vous faites ces crimes rituels-là, l'opérateur qui fait le crime rituel, mais il prend l'esprit, demande à ce que vous tuiez cette jeune femme-là vivante. Il faut arracher ses parties génitales pendant qu'elle vit. Il faut l'attacher, on coupe ses gènes, machin. Le cas pour l'homme, on attache, on coupe ses parties génitales pour qu'il lance un cri. Mais le cri qu'il lance, en fait, c'est ce pouvoir qui sort de lui. Voilà le secret, c'est celui-là. Et une fois ce pouvoir sort, donc les démons ou les esprits qui vont être au service de ce grand homme politique ou bien de ce commerçant-là, va maintenant être au service de ce mec-là. Mais le danger, c'est quoi? À la longue, il y aura chaque fois des demandes. Et c'est ça que moi j'appelle les caprices. Les caprices des esprits, c'est quoi? Les caprices des esprits, c'est lorsque, une fois, avec cette catégorie d'esprits-là, on vous demande les cinq éléments. Et même, si on ne vous demande pas les cinq éléments, ils vont vous envoyer l'article comme ça. Vous recevez l'article. Mais vous demandez, oh, mais je fais comment? Elle dit non, attendez, la prière va venir. Mais tiens, même pressé, je dis, mais mon Dieu, je vais porter ma bague. Cette bague. Mais en réalité, la bague là où elle est là, elle n'a pas de pouvoir. Le pouvoir n'est pas là-haut. Mais c'est quand vous allez recevoir, moi je m'en souviens, puisque je recevais même le portefeuille quand je l'ai reçu de l'Inde. C'était là, c'était un portefeuille normal. Je dis, oh, mais le portefeuille là, je fais comment? On m'a dit non, il faut attendre. Maintenant, quand j'avais reçu la prière par voie mystique, j'ai maintenant appliqué à partir de minuit jusqu'à 1 h du matin. J'ai fait les cérémonies, j'ai mis le nombre de bougies, les bougies de couleur blanche, rouge, noir, à gauche, à droite, brûler les encens, lancer les cris. Et c'est comme ça que l'esprit s'est manifesté et m'a demandé de prendre le portefeuille. On donne des instructions. Tu prends le portefeuille et tu dois mettre un billet de 10 000 francs CFA en permanence. Et j'ai suivi les instructions. Bon, ici, on vous demande le billet de 100 $. En Europe, là-bas, on demande de mettre, je crois, le billet de 500 euros. Ça doit rester en permanence pour attirer l'argent, les milliards que vous voulez. Mais, une fois ce truc-là fait, vous pensez que l'esprit, là, part où? L'esprit est avec vous. Et que les caprices commencent quand? Mais l'esprit travaille pour vous. Mais, à un moment, ma propre expérience, je vous ai dit, je le dis là sur Facebook, qu'il y a certains esprits qui ont commencé à me dire non, il faut sacrifier la femme là. Oh! Pourquoi? Mais parce que la pauvre, elle ne savait pas. Mais pourtant, je lui avais dit, à l'époque quand j'étais inspecteur, je lui disais non, chérie, il ne faut pas mettre pied dans la chambre là-haut. Mais les femmes sont trop curieuses parce qu'elles étaient initiées, elles disent, oh, moi je m'en fous, comme moi je suis initiée. Elle rentre là-bas, c'était tout un palabre. Non seulement elle a eu des violents maux de tête, elle était maintenant dans les problèmes. Ça l'a rendue stérile et aujourd'hui elle est accusée que elle ne fait pas d'enfants. C'est moi qui suis stérile. Mais maintenant, moi, je fais beaucoup d'enfants. Elle était étonnée. Mais bref, je sais qu'il y a des parents, elles, qui suivent la chose ici, là. Ça a créé tout un scandale dans ma famille. Bref, les esprits m'ont dit, comme elle a violé cette loi, il faut la sacrifier. Mais comme j'étais déjà avancé, et je vais vous expliquer comment on est avancé dans la spiritualité. Parce que si vous n'êtes pas un initié, si vous n'avez pas développé votre esprit, le développement de soi veut dire quoi? Vous développez votre esprit. Ça, c'est un autre chapitre. Donc, j'ai su maîtriser les caprices de cet esprit. Parce que l'esprit m'a dit, non, il faut sacrifier ta femme. J'ai l'engueulé, j'ai dit, niet. L'esprit tente de m'attaquer, mais il ne peut pas. Pourquoi? Mais parce que j'ai un esprit qui était déjà développé. J'avais dit que j'avais un esprit fort. Je vais vous donner un exemple. Cette histoire se passe à Libreville. C'est une histoire vraie. Mais je vais changer le nom de la personne parce que c'est un grand frère. On est tous du même coin. Il est métisse. Je lui ai donné le nom de Omwana Otangani, Gilbert. Omwana Otangani, Gilbert, c'est quelqu'un qui a beaucoup appris. Il a fait de hautes études. Il a appris en France. Il est métisse. Il est marié à une femme blanche. Ce fut un grand maître de la Rose-Croix, il est dans la maçonnerie, il a atteint les plus grandes sommités. Il est homme d'affaires, il a ses propres affaires. Il a été initié dans le bouddhisme, bref, il a fait le même parcours que moi. Il est rentré dans le Qi Gong, il est rentré dans ceci, dans la magie holistique, les guérisons de ceci et cela. Omwana Otangani, c'est comme ça moi je l'appelle. Et puis, pendant qu'Omwana Otangani, il vit encore, il est là-bas au Gabon. Il est à Libreville, pour ceux qui veulent savoir. C'est une histoire vraie. Mais sauf que j'ai changé le nom. J'ai tenté d'appeler là, mais je n'ai pas pu l'avoir. Je voulais lui demander son autorisation si je peux. Bon, mais je le connais, un homme très discret, hein, d'un certain âge. Et donc, au moins, on a autant gagné Gilbert. Il est là tranquillement en train de faire ses choses spirituelles et tout. Voilà comment un groupe de Ngomiens, hein, qui lui disent, ah, oh, attends, oh, à toi, on vient te donner les pouvoirs des esprits, des génies. Oh, le type dit, mais moi, je ne suis pas initié dans vos histoires. Qu'est-ce que vous avez à me donner, ça? Oh, faut pas discuter, pardon. Nous, les génies, nous ont dit que c'est toi, parce que tu es un homme de lumière. Hein? Je suis un homme de lumière. Oui. Les esprits nous ont dit comme ça. Toi, tu es un homme de lumière, pardon. Toi, tu pourras maîtriser. Donc, alors, je vous parle. Au moins, Omwana Otangani Gilbert, le grand frère, c'est lui qui est le gardien de ces pouvoirs-là. Et ce sont des pouvoirs, des trucs, des bouitis, de ceci, cela. Mais le gars n'est pas initié dans ces histoires-là. Comment expliquer cela? Je vous donne la réponse. C'est parce que ce monsieur était déjà un homme qui a eu un développement mystico-spirituel. Il a été au grade des grands maîtres rosicruciens, bien connus au Gabon. Il a été dans les grandes initiations. Il est parti au Tibet, il est parti partout, partout, partout. En France, là où il a appris, il a embrassé ces choses-là depuis le jeune âge. Donc il a un esprit trop puissant. La preuve en est que les initiés qui sont venus le voir disent que non, toi tu es à la lumière. Je ferme cette parenthèse. Moi-même, j'ai un exemple à vous partager. Ma mère, Nsamugending, moi, Nkibing, alors, moi, qu'est-ce qui m'était arrivé? Je me rappelle en 1992, on est à Port-Gentil. Maman est là dans son coin, j'arrive. Et puis, Elle a un comportement bizarre. J'ai dit, maman, c'est comment? Ah, mon ami, moi je ne voulais pas te dire ça. J'ai dit, c'est quoi? J'ai dit, ah, vraiment, tout mes respects, hein, mon fils. J'ai dit, oh, maman, de quoi tu parles? Ah non, non, non. Moi, mes esprits là. Mon fils, tu sais que moi je suis dans le Mikwelengia. Tu sais que je suis dans le Nyembi. Je suis dans le Bilombwa. Je suis dans le Mabanji. Je suis dans ceci, cela. Je suis dans près de 7 000 lieues. Mes génies me disent que toi, j'ai d'abord, ils m'ont montré un rêve que tu es assis sur une boule blanche. Tu es habillé tout en blanc. Et on te voit au-dessus de ta tête, il y a un feu. Elle décrit ce rêve-là. Elle décrit. Je dis, maman, de quoi tu parles? Elle dit, mon fils, moi je ne sais pas où, là où toi tu es parti, où, mais moi tu me fais peur. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, tu as trop là, il y a la lumière. Mais voilà pourquoi j'avais constaté que ma maman, jusqu'à sa mort, elle n'arrivait jamais à me regarder dans les yeux. Mon père, pareil. Mon père me posera la question, mais mon fils, j'ai dit, hein, tu as quelque chose là, tu as eu ça où? Parce que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de mon père, allez-y voir ma biographie. J'ai dit, papa, je ne sais pas de quoi tu parles. Quand je suis allé manger mon bois sacré, mes frères bouddhistes, ils me voient et je viens là avec un ami qui m'a amené, un gars Bapindji, me dit, il demande, c'est qui veut prendre l'initiation? Il demande d'abord, mais toi, tu es, toi, tu es déjà initié, non? L'homme là, tu es déjà initié, tu viens chercher quoi? Il dit, non, ce n'est pas moi, c'est pour lui. Il dit, oh non, pardon, mais l'homme là, mais c'est un maître, il vient chercher quoi ici, là? Laisse-nous tranquille, monsieur, on oublie. Toi, tu es un maître. C'est authentique ce que je vous dis. Ça remonte il y a 9 ans. J'étais étonné pourquoi ils me le disent. Mais en fait, j'ai tout compris. Ce n'est pas une question d'étonnement, c'est parce que avant que je ne me lance dans les choses des noirs, c'est-à-dire m'initier dans les bouetés, m'initier, chercher à rentrer dans l'histoire des Nzobi, mais ceci, cela, Munga Labesso, patati patata, bref, je ne vais pas citer tout ce que j'ai fait au Gabon, hein, aller chez les Benga, aller chez les Mitsoro, certains trucs. Bref, je ne vais pas vous dire. J'étais déjà assis. J'étais déjà un homme et je suis un homme de lumière. Voilà pourquoi je n'ai pas peur de tenser qui que ce soit. Mais qui est réellement un homme de lumière? Un homme de lumière, c'est là que ce que je vous ai toujours dit, c'est qu'on appelle l'initiation douce. Mais l'initiation douce, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle l'école des sciences occultes. Les gens n'aiment pas ce mot-là. C'est-à-dire, c'est le développement de soi. Vous vous développez vous-même. L'homme est composé de quoi? Vous rentrez dans la cosmogonie humaine, selon Handel, grand rosicrucien de son état, qui a écrit un gros livre de près de 1100 pages. Il parle de cela, la cosmogonie humaine. Qu'est-ce que c'est la cosmogonie humaine? C'est un développement. On découpe votre compréhension. Vous allez lire les livres d'Elena Petrovna Blavatsky, les livres d'Alice Bailey, les livres de Franz Baron et tous ces mecs-là. Ils vont vous parler de ce qu'on appelle la théosophie. Mais c'est dans cette étude théosophique que vous élevez votre esprit. On va vous dire ceci. Voilà comment développer votre corps mental. Voilà comment ce qu'on appelle un corps atmique. Voilà ce qu'on appelle un corps divin. Voilà comment le développer. Voilà comment contrôler vos rêves. Vous-même, vous vous développez comment sortir d'un vampire. Ce n'est pas un bois sacré qui va vous montrer. Non. Vous êtes là. On vous dit, fais comme ci, fais comme ça. Donc, une fois que vous faites tout ceci, en passant par les 3 P, comme je l'ai toujours dit, la préparation. La purification et le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est là où vous allez arriver à la maîtrise de votre corps animique, c'est-à-dire comment sortir un vampire et aller dans n'importe quelle planète. Alors, quand vous faites ce genre de choses, vous vibrez dans des hautes fréquences qui n'ont rien à voir avec les esprits des ancêtres. Moi, je vous dis, quand je tense mes ancêtres, ils tremblent. Vous me prenez pour un fou. Quand je tense les démons, ils ont peur. Pourquoi? Mais parce que je suis un maître. J'ai développé mon esprit. Un maître, c'est celui qui a maîtrisé non seulement les caprices de son corps physique, maîtrisé les caprices de son corps mental, mais qui passe au crible toutes les pensées, qui est maître de son propre temple, et qui a compris l'enseignement mystique de l'apôtre Paul, qui en a que moi j'ai appelé la mystique chrétienne, où on dit que le temple de Dieu n'est pas fait des mains d'hommes, mais le véritable temple de Dieu est en vous. Mais que ce temple de Dieu qui est en vous, vous êtes l'artisan de ce temple. Et nos frères maçons disent quoi? La maçonnerie, c'est quoi? C'est de pouvoir faire quoi? C'est d'apporter votre petite pierre à l'édifice et à la construction du temple universel. Car la providence divine aimerait que vous puissiez construire cette grande maison afin d'amener. Et il faut aller chercher les perles. Il faut aller prendre les perles quelque part pour pouvoir construire cette grande. Bref, que mes frères maçons, mais pardon. Voyez-vous? Donc, voilà comment vous recevez la lumière. La lumière, c'est celle-là. Quand vous vous développez vous-même. Hein? Voilà. Donc, l'initiation douce, si vous comprenez maintenant, c'est ça. Le développement de soi. Les initiations que propose la plupart des grandes écoles. Les initiations que propose la Rose-Croix. Je parle de la Rose-Croix à Morques. Je suis bien précis. La Rose-Croix à Morques et peut-être la Rose-Croix d'or. Voilà. Et milieu, si vous voulez, vous qui êtes au pays d'Abadan, allez-y là-dedans. Vous verrez comment on va vous démontrer. On va vous montrer l'étude. Le corps physique est composé de ceci, ceci, cela, dans l'anatomie. Le corps mystique, divin, il est composé comme ça. On l'identifie à tel niveau. On vous rentre dans la profondeur du cerveau. Qu'est-ce que c'est les pouvoirs télépathiques, les pouvoirs même psychiques, la télépsychie, la télépathie, qu'est-ce que c'est? Et on vous met à l'école de l'expérimentation. Hein? Vous faites l'étude des études du paranormal. Qu'est-ce que c'est l'étude du paranormal? L'étude du paranormal, c'est à comprendre les phénomènes de la vie, c'est à maîtriser le vampire, c'est à maîtriser les sorciers, c'est apprendre à aller regarder les gens qui font des réunions mystiques la nuit, c'est espionner ces bandes de voyous qui, la nuit, font des réunions mystiques et ensuite ils vont tuer les pauvres gens et viennent avec des décisions diaboliques pour retarder le développement d'un pays. Voilà ce qui fait de vous un homme de lumière. Si vous n'êtes pas d'accord, eh bien, ceux qui ont tenté de me pénétrer en sorcellerie, ils vont vous témoigner. Hein. Je viens de parler en anglais. Ils ont tenté. Si les gens connaissent Patrick qui est à la Georgie, il va vous dire. Sa femme, j'ai parlé de cette affaire-là ici, là. Où les gens faisaient des pratiques mystiques. Lui-même, il vous a fait le témoignage. Et voilà, ces mecs-là, ils sont rentrés dans mon live. Ils sont arrivés jusqu'à chez moi. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu. Ils disent non, on n'arrive pas à l'avoir. Il est en Afrique. Mais ils sont idiots. Voilà pourquoi j'ai dévoilé mon identité. J'ai dit, je suis ici. I'm here in Dayton, Ohio. I keep wa you watching me, man. I'm here in Ohio, please. Dayton, come and find me. I'm not in Africa. That's a big mistake. Ils se disent que je suis en Afrique. Parce qu'ils disent que non, quand ils ont cherché à me pénétrer mon esprit, me dira le témoignage de la femme du frère. Je vous ai dit qu'ils sont séparés. Il veut divorcer à cette dernière. Mais la femme lui dira que. Voilà, mais ton type-là, il est dangereux. D'abord, c'est un faux, parce que il est en Afrique. Moi, je ne crois pas tout ce qu'il dit là, c'est cela. Alors qu'elle a reconnu ces esprits, ces bandes de voyous, les gourous, parmi les deux que j'ai dit qu'ils vont mourir, ils sentent la menace. Ils se disent que je suis en Afrique. Ce n'est pas de leur faute, en fait. C'est vrai, mon esprit est quelque part. Mon esprit est quelque part, dans le tronc d'un arbre, dans la zone de Mekambo. Il est là-bas, mais il est également ici. Dans un arbre que je vous avais montré, dans un live que j'ai planté à Dayton, Ohio. Cet arbre est ici. Donc, personne ne saura où je suis. Mais cet esprit également de Nubia se trouve dans les eaux profondes. De Chillicothe, Ohio, dans la grande rivière mystique des Amérindiens. Je ne sais pas où vous irez le chercher, mais l'esprit de Nubia également se trouve dans la rivière, quelque part, au Brésil, par les grands maîtres de la Macumba. Donc, vous allez chercher, chercher, continuez à vous embrouiller. Keep searching, keep looking for me. Qu'elle dit que je suis en Afrique. Mais ce type-là, c'est qui parle? Les gens se posent des questions. Alors qu'il est tranquillement chez lui aux États-Unis. Bientôt 20 ans. Bref, la lumière, l'histoire de Mwana Otangani dont je vous ai parlé, pourquoi nos frères initiés gabonais, des frères ngomiens, lui ont dit non, pardon, c'est toi qui dois garder ça. Mais parce qu'ils ont senti que cet homme est dans la lumière. Et ces miasmes du bas astral, pour pouvoir maîtriser les esprits, vous devez d'abord être un homme de lumière. Voilà pourquoi j'ai eu la force de dire aux esprits qui me demandaient de vouloir sacrifier mon ex, celle que j'avais connue il y a très longtemps. Malheureusement, on n'a pas pu faire d'enfant. J'ai tensé ces esprits-là. Vous pensez que vous êtes n'importe qui pour tenser un esprit? Quand cet esprit vient vous faire des caprices, vous serez capable de le tenser? Mais vous cherchez la mort, hein? L'esprit qui m'avait giflé, l'ange. L'archange ou le génie numéro 69, que je n'oublierai jamais. Ceux qui ont le livre La Kabbale, allez-y, faire des recherches. Vous connaîtrez son nom. Cherchez bien et renseignez-vous très bien. Ce génie ne blague pas. Il est au-dessus de la planète Terre et de la planète Saturne et même de la planète Mars. Aucun individu, aucun esprit, aucun ange n'ose badiner avec cet esprit. Mais moi, mon rayon, je l'ai provoqué en 1991. J'ai provoqué cet esprit-là. Conséquence, perte de connaissance pendant 1 heure. Frappé contre le mur. Mais j'ai survécu, je suis vivant. Je vous dirai que cet ange fait partie des anges les plus puissants Et en dehors de lui, j'en ai provoqué d'autres. Génie numéro 15, examinez qu'est-ce qu'il est. Le génie numéro 55 également, je me suis amusé avec lui, on s'est battu. Vous allez me prendre de fou, hein, vous êtes libre. Mais pour avoir cette audace, un, il faut d'abord combattre la peur. Deux, il faut avoir la lumière. Parce qu'un esprit, un ange ou un démon, quand il voit votre lumière, il est obligé de se soumettre. Voilà pourquoi je vous avais suggéré le livre d'Abramelin l'Hommage. Abramelin l'Hommage vous montre justement, il y a une méthode initiatique que vous avez faite pendant 6 mois dans la campagne. Pendant 6 mois, vous arrêtez de travailler. Parce qu'il faut être occupé avec cette affaire-là. Pendant 6 lunaisons, c'est la terminologie qui est utilisée. Vous devez apprendre à maîtriser les démons et les anges. Et c'est là où je vous ai informé, et je le pratique jusqu'à aujourd'hui. Toutes les 20 minutes, j'ai 4 démons à ma disposition. J'ai 4 anges à ma disposition. Je les engueule quand je veux. Il y a des personnes depuis qui me demandent, maître, comment vous avez fait pour comment vous avez fait pour consulter cet homme-là à travers moi, mon Dieu? Vous ne le connaissez même pas. Vous dites son père, ce qu'il fait, ceci, cela. Et je lui ai dit ça tout à l'heure. Elle est en train de me suivre. Je lui ai dit, maman, je ne sais pas, mais c'était pour te dire que je suis un maître. C'est tout. Je ne veux pas trop développer. Vous comprenez? Vous êtes dans la lumière, et quand vous êtes dans la lumière, par le timbre de la voix, tout comme ce frère à Atlanta, il est en train de me suivre parce qu'il est très branché. Lui aussi, je lui ai fait certaines révélations. Et là, on a rendez-vous à 19h30. Voyez-vous? Donc, pour maîtriser la réponse à cette question, comment maîtriser les démons, les machins là, comment on appelle ça? Les magies égrégoriques et toutes ces histoires-là, il faut d'abord être dans la lumière. Donc, ça veut dire qu'il vous faut d'abord vous initier dans l'initiation douce. L'initiation douce, je me répète, ce n'est pas un bois sacré. Le bois sacré et autres initiations traditionnelles de nos rites, ça s'appelle simplement l'initiation forte. Mais on vous demande de rentrer dans l'initiation douce. Donc, l'initiation douce, hein, pardonnez-moi. L'initiation douce. C'est simplement l'école de l'apprentissage. Vous vous développez. Vous vous développez spirituellement. Le développement de soi. En d'autres termes, c'est l'école des sciences occultes. Quand vous rentrez dans cette école des sciences occultes, ça peut être vous-même. Vous pratiquez le yoga. Moi, j'en connais près de 9 différentes catégories de yoga. Vous pratiquez. Moi, je suis rentré dans la Rose-Croix. Je suis arrivé jusqu'au grade de hiérophantès, l'équivalent de maître de la Rose-Croix. J'ai maîtrisé tous les degrés. J'ai vu les manifestations du premier et deuxième degré à domicile. J'ai reçu les autres initiations dans le grand temple rosicrucien qui se trouve en Californie. Ceux qui sont aux États-Unis, ils connaissent, en 2007. Et j'ai fait tout ce qu'il faut pour pouvoir continuer à être en harmonie. Au bout d'un certain nombre d'années, moins de 5 ans, j'étais déjà maître. Dans la franc-maçonnerie, je connais tous les mécanismes. Mais j'ai promis de tenir toujours le secret. C'est important. Donc, tout ceci, c'est pour chercher quoi? La maîtrise de soi. La Rose-Croix se focalise beaucoup plus sur la maîtrise de soi. Or, la maîtrise de soi commence d'abord par la connaissance de soi. OK? Connais-toi toi-même, alors tu connaîtras les dieux. Ça, c'est la phrase que vous trouverez à l'entrée de n'importe quel grand temple maçonnique. On vous dira cela. Connais-toi toi-même d'abord, alors tu connaîtras les dieux, alors tu connaîtras les mystères. Connais-toi toi d'abord. Ils ont compris ce que Pythagore disait. Il faut rentrer d'abord à l'intérieur. Comme le disait l'apôtre Paul, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas à l'extérieur. Et ceux qui ont cherché à l'extérieur, ils ont créé ce qu'on appelle les esprits égrégoriques. Et ces esprits égrégoriques sont là. Ah là là, il y a mon frère du Gabon qui ne fait qu'insister. Il ne sait pas que je suis en plein live. Je sais qu'il a besoin de mes services. Voilà. C'est ici et maintenant. Donc, les magies égrégoriques, donc les sous-couverts, les histoires des religions, ces religions-là, elles sont à l'origine de tous les esprits démoniques. Ce sont eux qui ont créé les démons. Ce sont eux qui ont créé le diable avec des cornes. Sinon, ces créatures-là n'existent pas. Si elles n'existent que dans leur tête, mais en réalité, dans le monde éthérique, ces esprits existent. Vous les verrez. Tous ceux qui croient à ces esprits-là, vous allez voir. Ceux qui croient en Jésus-là, vous allez le voir. Après, vous allez venir bêtement de votre voyage, vous direz, oh vraiment mon frère, oh Jésus existe, oh mon Dieu, oh là là. Mais ta vie est toujours calboignée. Mais que c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Mais tu es allé rencontrer un Jésus égoutti. Tu n'es pas allé rencontrer le vrai. Hein? Ça n'a rien à voir. Donc, retenez cela. La maîtrise des esprits égrégoriques, là je n'ai pas encore répondu à la question, la maîtrise des esprits égrégoriques, c'est de me dire au revoir à toutes ces bandes de voyous de religion des Blancs. Parce que ces religions des Blancs, non, un, lavage de cerveau, deux, exploitation de l'ignorance de l'homme noir et de le renverser en soi-disant connaisseur. Alors que ce ne sont que oui, ce ne sont que des connaisseurs, mais ils ne sont pas des connaissants. Or, le véritable homme doit être un connaissant. Un connaissant, c'est celui dont la connaissance a transcendé et est devenue cette connaissance. Telle que là où je vous parle, je ne lis pas un livre, je ne me prépare pas du tout, parce que cette question, je peux vous donner. Pendant des jours, des années, je peux vous développer ce sujet-là. Je vais vous emmener dans d'autres planètes, comment ça fonctionne. Je peux vous dire ce qui se passe à Saturne, parce que j'y ai été en esprit. Je peux vous dire ce qui se passe à Mars. Ou à Vénus 4, où j'ai été. Et je sais comment ça se passe là-bas. Voyez-vous? Mais est-ce que c'est le bois sacré qui va m'amener? C'est faux. Le bois sacré ne va pas vous amener là-bas. C'est le petit vampire là qui va m'amener. C'est faux. C'est parce que je me suis développé. C'est parce que j'ai reçu plus de 21 initiations en 46 ans. En 46 ans, j'ai reçu 21 initiations. Depuis 1974 jusqu'en l'an 2020, j'ai reçu 21 initiations. Donc, c'est un long parcours, s'il vous plaît. Et ce n'est pas de la blague. Quand vous me voyez venir parler, ce n'est pas l'arrogance. Je parle avec autorité parce que je suis connaissant. Je parle avec autorité parce que ni les démons, ni les égrégores, ni les anges ou n'importe quel ange, esprit, ne me font point peur. Ce sont mes amis. Ils se soumettent à mes caprices. Je les engueule et ils se soumettent. Mais seul Dieu, Tetamongali, Wanga Wanga, je peux me soumettre. Parce que c'est lui qui a créé les archanges, c'est lui qui a créé les génies, c'est lui qui a créé. C'est pour cela que je dis, Tetamongali, l'être suprême, c'est le Dieu par pouvoir délégatoire. Mais mes frères qui sont délégués par Tetamwanga, qui sont 1000 fois plus puissants qu'un homme ordinaire, et je ne suis pas un homme ordinaire. Un homme ordinaire, c'est un commun des mortels qui n'a pas encore compris qui il est. Mais quand vous allez comprendre qui vous êtes, la religion est une béquille. Je ne suis point contre les religions, car la religion est une béquille. La religion, c'est l'école maternelle. Mais la véritable université n'a rien à voir avec la religion. La religion va toujours vous donner le même credo. Il faut prier. Seigneur, viens. Alléluia. Gloire à toi, papa, viens. Au lieu de vous dire, c'est ici. Vous êtes un avec lui. Vous êtes un avec le tout. D'où mon nombre favori, le nombre 10. Allez-y me recevoir l'enseignement sur la Kabbale. Le nombre 10. Un à l'intérieur du zéro. Zéro, c'est le tout. Zéro ne veut rien dire. Zéro ne veut pas dire rien. Zéro veut dire le tout. Regardez là l'univers dans toute sa constitution. Si vous sortez régulièrement en vampire comme moi, comme je l'ai fait hier, je suis allé risser un peu d'aller lorgner encore un peu le Gabon, mais mon Dieu, quel bordel! C'était comme les chenilles du WC que j'ai vues. Pardonnez-moi l'expression. Ah oui, je le fais de temps en temps, mais là, ça m'a dépassé. Un grand chemin pour mon pays, le Gabon, mon Dieu. Un grand chemin! Je ne parle pas politique, s'il vous plaît, mais là, je vous parle de réalité. Quand vous sautez régulièrement en vampire, c'est-à-dire quand vous biloquez, quand vous sautez consciemment. Et c'est ça le troisième P, le perfectionnement. Le perfectionnement, c'est la maîtrise d'abord par la préparation. Et par cette préparation, qui est une prise de conscience individuelle, par la connaissance et le béaba de la vie. Qui vous êtes? Vous venez d'où? Votre nom veut dire quoi? Quel est votre combo personnel à banque? Votre grand-père? Ça, ils étaient de quelle tribu? Ils venaient d'où? Votre histoire? Moi, je sais que mon peuple gallois, ils sont passés les Ndenga. Ils venaient par où? Ils partaient du lac Tanganyika. Qu'est-ce qu'ils foutaient au lac Tanganyika? Quelle pratique ils faisaient? Et ensuite, on a parlé du Mbudi. Mbudi au Kouyi. Le Kouyi, c'est quoi? Voilà ce qui fait de vous un homme. Et vous comprendrez tous ces mystères quand vous avez toutes ces questions. Et vous rentrez en communion enfin dans le rite des ancêtres. On présente votre corps de bébé, c'est-à-dire votre âme toute vieille, dans un corps petit qu'on appelle bébé, et on vous présente au génie et au Dieu. Et une fois votre déclic est fait, alors le processus a commencé. Et si vous avez raté cela, vous avez raté cela, à l'âge de 7 ans, initiez votre enfant, faites-le rentrer dans le Mouiri, faites-le rentrer dans le Mimbri, faites-le rentrer dans le même, qu'on appelle ça, à Banji, je ne sais pas trop quoi. Et si vous ne l'avez pas fait, à 14 ans, faites-le. À 21 ans, faites-le. À 35 ans, faites-le. À 42 ans. À 55 ans, pourquoi pas? Et vous attendez quoi? Toujours le fétiche que le marabout va vous amener? Le fétiche que le marabout, pardonnez-moi, le fétiche que le marabout va vous amener, le marabout vous amène, c'est un fétiche égrégorique. Et ces égrégores, ce ne sont que des démons, des esprits qui ont été créés par l'homme. Le fétiche que le magicien de l'Inde vous envoie, la bague de protection, le talisman que vous portez, c'est quoi? Ce sont des esprits, des ancêtres des autres. Vous ne les connaissez même pas? Hein? Et c'est pour cela qu'on vous demande vos cheveux, vos ongles, vos salives, le sang et les mèches de cheveux ici-là, plus votre photo qu'on demande d'envoyer, c'est pour vous permettre d'être en amitié avec l'esprit de ce type-là qui est mort depuis longtemps, qui se trouve dans le lac Ganga, un Indien, qui est peut-être blanc, de couleur blanche, et qui n'aime pas l'Africain. Et toi, il va venir te voir, mais il va te créer des caprices. Et pendant que tu as ce service. Et pourtant, le professeur t'a dit que non, cet esprit ne demande pas de sacrifices. Le même article se retrouve aux mains de Monsieur Moubien. Je n'ai pas eu ma part de demander des sacrifices. J'avais le portefeuille, pourtant je marche avec. Mais entre-temps, j'ai des amis, je vous jure, que je ne peux pas citer le nom, j'ai du respect pour la famille. À Homboué, ce gars-là avait commandé le même portefeuille que moi. Mais il a été frappé par une mort parce qu'on lui a demandé de sacrifier sa mère. Mais comme la mère était initiée dans le Bilombo, l'esprit l'a dit, oh non, non, non, je ne peux pas avoir ta mère. Je ne peux pas. Dépêche-toi, il faut trouver quelqu'un. Auquel cas toi-même tu vas partir. Il est parti. Je l'aimais bien, ce monsieur-là. Un grand frère. On a fait du CP1, pardon, du CE1 jusqu'au CM2 à l'école communale de Dombwe. Mais je ne veux pas citer le nom par respect. Voyez-vous, il est mort parce qu'il n'a pas su maîtriser les caprices de cet esprit. Mais moi, à cet âge, je maîtrisais déjà les caprices de l'esprit. J'ai eu ce portefeuille. À chaque fois que l'esprit voulait me murmurer quelque chose par phénomène de ce qu'on appelle la téléaudience, l'esprit me dit, attends, gifle ce monsieur. Je dis, mais tu es fou, tu me demandes de gifler pour quelle raison? L'esprit me dit, non, regarde cette femme-là. Fais ceci. Je dis, niet. Voilà ce qu'on appelle la maîtrise de la vie. Donc, on vous envoie ces esprits-là. Ces esprits deviennent un avec vous. C'est lorsqu'on vous enverra le mode d'emploi. Ça, je parle des cas de ceux qui commandent les articles. Donc, l'article va arriver. Des fois, vous avez la chance, hein, ils envoient ça dans la même enveloppe. Et puis, on vous demande le mot d'emploi. Mais quand vous allez faire ce mot d'emploi veut dire, c'est pour déclencher maintenant le contact avec l'esprit qu'on vous envoie, ou bien les esprits qu'on vous envoie. Mais maintenant, quand on vous envoie les esprits, si vous n'êtes pas un homme de lumière, et vous avez déjà compris ce qu'on appelle un homme de lumière, je ne vais pas me répéter, que se passera-t-il? Mais les esprits sont comme nous, ils vous voient. Même dans le plan physique, moi au niveau du travail, moi je vous dis, les gens me regardent et disent, oh le gars là, non, pardon, je parle à Takeo. Oh, il paraît qu'il fait karaté, c'est un maître de karaté. Même si pourtant le pauvre, il peut être plus fort que moi. Mais le fait déjà de voir que il voit mes kendo, il dit, oh, le gars là, il me fait peur. Quand il me voit, il fait mes histoires à la gym, parce qu'on a une salle de gym là-bas aussi au travail, il me voit, je fais la marche du singe, la marche de la tortue, oh, ils sont influencés. Dans le plan physique, ils ont déjà peur. Mais c'est la même chose dans le monde invisible. C'est la même chose. Donc, je vous encourage, chers frères et sœurs, pour ceux qui sont abonnés avec moi sur Tétan Zambé, le Tout-Puissant Canaan, qui ont commencé le processus de se développer soi-même, à travers tout ce que je vous ai donné, les rites des ancêtres, les rites de contact avec les quatre éléments, vous connaissez, les vidéos sont là. Comment s'harmoniser? Continuez à faire ces rites-là, le rite de l'eau, le rite du feu. C'est-à-dire le soleil, le rite de la terre, allez vous baigner sur la terre, là, comme je vous ai montré. Le rite de l'air, comment manger l'air. Moi, je vous dis, là, de vendredi là, jusqu'à lundi, je ne mange pas la vraie nourriture, je mange l'air. On appelle ça l'aération. Donc, vous faites ce genre de trucs, je vous dis, ça fait de vous un homme de lumière. On appelle ça le corps solaire. C'est le but même de l'initiation de France Bardon, ceux qui ont le livre de France Bardon, là. Dans la théosophie, également de Madame Elena Petrovna Blavatsky. C'est ça. C'est de devenir homme de solaire. Mais qu'est-ce que c'est un homme solaire? Ce n'est pas en étant ainsi là, en boudant, en venir poser des questions tout le temps dans le forum, répéter les mêmes questions, expectant un miracle quelconque. Non, non, non, non. Vous devez travailler. Et le travail veut dire vous devez être occupé. Ce matin, il y a mon petit-fils. Je suis en train de faire mon truc de yoga. Il a dit, oh, grand-père. Bon, vous avez vu, c'est sur ma page Facebook, là. C'est ce matin que je faisais mes exercices de yoga. Il s'est intéressé à ça. J'ai dit, mais toi, tu es comment? Arrête-moi ça. Il a arrêté, il a pris peur. Mais après, j'ai regretté. On n'engueule pas. Parce qu'il joue avec mon téléphone. Il faut être occupé. J'ai fait mon yoga le matin. J'ai fait mon karaté, mes katas pendant 2 heures. Et après, je suis allé manger l'herbe. Enfin, je vais dire les légumes, hein, et les fruits. Je me suis reposé. Et me voilà, je vous parle. Et dès que je finis là, j'ai encore 2, 4, 5 personnes qui m'attendent, que je dois faire des consultations directement parce qu'ils m'ont posé des questions. Bien sûr, ces personnes ont payé, hein, rassurez-vous, ce n'est pas un cadeau. OK? Voilà comment on est occupé. Et après ça, je dois convoquer quelques démons là pour des besognes importantes, urgentes, pour un travail que quelqu'un a demandé. Je sais pourquoi je dois les convoquer, parce que ça, c'est leur boulot. Je sais quand ce sont les anges qu'il faut convoquer, ceux-là, c'est leur boulot. Mais quand il s'agit de tels trucs matériels, le machin, machin, agir là pour aller influencer le patron pour qu'on te reprenne au travail, ce sont les démons que je veux provoquer, ce n'est pas les anges. Laissez Dieu dans son coin. Dieu n'a rien à voir. Dieu t'éteint, mon gars. C'est l'âme universelle qui agit par pouvoir délégatoire. Je répète, pouvoir délégatoire. C'est-à-dire, ne le dérangez pas. Attendez ça. Mais regardez-moi l'exemple du Gabon ou des pays d'Afrique. Moi, j'aime mon pays, le Gabon. Le président, il est là tranquillement dans son coin. Moindre problème. Madame le Premier ministre. Toi, tu viens nous dire que tu vas faire ceci du Gabon, machin, machin. Non, toi, tu es une menteuse. C'est elle qu'on attaque. Moindre problème. On attaque le chef du gouvernement. Est-ce qu'on attaque le président? Oui, le président, il est dans son coin. C'est lui qui donne les grandes consignes, les grandes lignes. Bref, pardonnez-moi, c'est un exemple que je vous prends. C'est pour vous dire que c'est la même chose dans le monde invisible. Traitez mon gars, dit Wanga Wanga, quand vous priez, comme mon Dieu. Oh, bien sûr, tête nyambio, là, là. Les choses de mon corps, je ne comprends pas. Oh, mais tu ne comprends quoi? Tu ne comprends pas. Monsieur Moreau, nous vient, ne vous a pas dit qu'il faut aller vous faire initier pour comprendre les choses. Toi, tu comprends pas quoi. Va manger ton bois sacré et tu comprendras. Hein? Ou bien, hein? Fais une initiation quelconque. Va là-bas chez les Bamileke, essaie d'aller taper les crânes pour interroger les crânes des grands-parents qui sont morts là. Les parents vont vous donner la vision. Pendant que vous irez dormir sur le lit, le parent viendra parler. Là, tu comprendras. Mais ce n'est pas Tétan, mon gars, que tu vas déranger. Ou encore, ben, applique la Kabbale. Alors, va dans le chapitre de la Kabbale, là, peut-être l'archange numéro 7. Monsieur Mourinho nous a dit que archange numéro 7, oh, archange de révélation, qui va vous mettre en connexion avec vos ancêtres? Ah, qui, je vais le faire. C'est comme ça se passe. Travaillez et soyez occupés. Ne soyez pas paresseux. Ai-je répondu à la question comment maîtriser ces esprits? Je crois. Hein? Vous maîtrisez ces esprits, c'est lorsque vous vous êtes déjà initié vous-même. Lorsque vous-même vous êtes déjà un être de lumière. Un être de lumière, ou bien vous êtes devenu l'homme solaire. Voilà pourquoi Franz Bardon parle de l'initiation solaire. Voilà pourquoi Elena Petrovna Blavatsky parle des perles des connaissances qui vous rendent immortel. Mais qu'est-ce que c'est l'immortalité? Mais c'est l'immortalité, justement, c'est lorsque votre âme n'est plus soumise aux caprices de la vie, n'est plus soumise aux esprits démoniaques, n'est plus soumise aux esprits grégoriques, n'est plus soumise à quoi que ce soit. Vous êtes maître de vous-même. Rien ne peut vous perturber. Ni la mort, ni quoi que ce soit. Mais voilà pourquoi, malencontreusement, les gens ont mal trafiqué les paroles que l'apôtre Paul avait dit aux Corinthiens. Que ce n'est ni la pluie, oh, ni la femme, oh, ni les enfants, oh. Rien réellement, hein, ne doit me séparer de l'amour que j'ai avec l'Éternel. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque vous êtes devenu un avec le tout, il n'y a plus un phénomène de séparabilité. Vous êtes devenu un avec le tout, il n'y a plus phénomène de séparabilité. Mais il y a plutôt un phénomène de fusion absolue, d'unité dans l'absolu et dans l'union. Et cette union que j'appelle la fusion des esprits. C'est tout. Voilà comment la vie parle. J'en ai terminé. Si vous avez des questions dans ce sens, soyez-en les bienvenus. Car je crois que j'ai répondu à cette question. Pardonnez les incidents du commencement. Ben, je vous ai averti. Hein. Je vais résumer tout ce que je viens de dire à notre espion là, du vaudou. Parce que la femme là, du frère, a payé ce monsieur-là pour qu'il soit là pour me suivre. My friend, you're watching me. You just heard what I said. Unfortunately, it was in French. Now, I just gave you my location, my identity, my ID. Okay? My name is Moreau Nouvier. That's the name of my initiation. As initiate in our mysteries of Africa and the motherland. I told you where I live. I live in Dayton, Ohio. Now, You have to understand, any magic, any secret society, Illuminati, Freemason, Rosicrucian, Amok, whatever you call it, even in Africa, in Abuete, the one I was introduced to, Macumba in Brasilia, in Africa, in the Congo. We have two ways. You got to make a choice, because you are the positive and you are the negative. That's how it works. You are the yin and the yang. But the ultimate reason to be one with God, to be one with all, and to be expressing the oneness with all is to masterize everything. Now, to masterize everything is to masterize those evil forces, to masterize the darkness, to masterize the entities, the religious entities, means all the religions, anything, all these things are related to one thing, the darkness. But when you are a master, nobody can defeat you except the Almighty God, creator of the universe. Life is a choice. If you choose to continue with the voodoo, to harass, to arm, or to do whatever evil thing towards my brother, you will regret. I already told you, some of you are going to die. I said it. It might be a prophecy. I don't know. Call it whatever you want. But two of the main leaders of these crooks will die. Thank you. Bien. Si je n'ai pas répondu à vos questions, à cette question, pardonnez-moi. Mais je crois avoir répondu à l'essentiel, comment maîtriser les caprices. Et qu'est-ce qu'on entend par caprice? C'est tout ce que les esprits nous poussent à faire. Hein? Savez-vous que même quand vous êtes marié, le fait d'aller chercher les copines, le fait d'aller vouloir baiser avec un autre homme, vous êtes avec votre mari, hein? Adopter un comportement bizarre, vous ne voulez pas vous excuser, vous ne voulez... ça c'est ce qu'on appelle des caprices. Mais ces caprices sont causés par les démons, si vous ne le savez pas. La masturbation, ce sont des caprices démoniaques. Les désirs insensés, ce sont des caprices démoniaques. Le mensonge et le vol, ce sont des caprices démoniaques. Les critiques inutiles, sans chercher d'abord à comprendre les actes que pose quelqu'un, ce sont des actes, c'est tout cela font partie des caprices démoniaques. Ou des caprices égrégoriques, mais surtout des caprices démoniaques. En un mot, tout comportement qui va à l'encontre des principes de fonctionnalité normale de l'univers établi et préétabli par Teta Mwanga, tout cela, ce ne sont que des caprices démoniaques. Vous comprendrez que la maîtrise des caprices des démons, ce n'est pas seulement démons en tant que créatures invisibles, mais c'est également les problèmes auxquels nous faisons face tous les jours. L'incapacité de trouver des solutions aux problèmes de la vie, ça vous dit que vous êtes soumis aux caprices de la vie. Vous êtes soumis aux caprices des démons. Manquer de discipline dans votre vie, c'est aussi une soumission aux caprices de la vie ou aux caprices démoniaques. Vous voulez que je vous amène jusqu'où? Nous nous arrêtons ici. Bon, posez vos questions. Je ne sais pas si je peux maîtriser ce petit téléphone-là pour lire les questions. Tatnyambi. Ah, ok. Oh, ça marche. Oh. Voilà. Bien. La première question, vous parlez beaucoup des bagues qu'on commande et autres objets là, mais vous ne parlez pas des parfums d'attirance, on appelle ça, bon, je sais, ou les parfums de protection des machins qu'on plante dans les terrains, je sais, je suis gabonais, on a fait ça dans le terrain de mon grand-père, je connais. Non, mais là, je parle de manière générale. Je vais parler des bagues, mais c'est parce que c'est ça là que la plupart des gens me demandent. Je parle des portefeuilles, parce que c'est ça là que les gens... Mais je sais qu'il existe des filtres d'amour à travers les parfums. Moi-même, j'en fabrique. Hier, je parlais avec quelqu'un, je lui ai indiqué, malheureusement, on a été coupé, un jeune Gabonais qui a perdu son emploi, qui est menacé par les sorciers. Je lui ai tout de suite conseillé de fabriquer un parfum à base de 3 plantes seulement, de 3 feuilles qu'il fallait mettre dans ce parfum-là. Il secoue, il met dans son corps. Mais ce parfum-là, ce sont mes génies qui m'ont inspiré. Les 47 génies qui ont travaillé avec mes ancêtres, qui m'ont dit qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et parmi ces génies, il y avait le vieux Kakamweka Papindji, qui était des îlets, qui n'est plus de ce monde, mais qui communique avec moi. Voilà. Oui, les parfums également. Vous avez raison, les parfums font partie. Les histoires qu'on plante dans les terres font partie. Parce que quelque chose qu'on va venir planter dans votre terre, vous ne savez pas quels sont les esprits qui ont été invoqués par ces mecs-là. Bon, après, vous allez faire appel à mes frères du Bouti Misoko. Apparemment, ce sont ceux qui sont spécialisés pour déterrer ça. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont en entente avec qui. Je ne sais pas. Que mes frères du Bouti Misoko me pardonnent. Merci de me faire mention de ça. Oui, oui, oui, tout ça. Ces esprits peuvent être vous créer des caprices. Bernard nous dit quoi? Savoir comment une personne qui voit à travers votre voix et votre... Quoi? Je ne sais pas. Vous avez sûrement écouté ce que je suis en train de dire que... Il y a des personnes. Soit ils déposent l'audio et une fois j'écoute l'audio, je fais la consultation à la personne et la personne est en larmes. Moi, je ne sais pas. Je suis embrouillé. Je vous dis, je suis été initié d'après de 21 initiés. Je suis de 21 initiations. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Bon. Je ne peux pas vous dire si ce sont mes génies ou qui. Mais je vous dis, c'est la vérité. C'est comme ça que ça se passe. Même quand vous me parlez au téléphone, par le timbre de votre voix, je peux vous consulter. C'est comme ça. D'autres le font ou ne le font pas. Ce n'est pas mon business. Mais ça, j'ai remarqué ça depuis près de 15 ans. C'est comme ça que je fais. Donc, voilà la réponse que je peux donner à votre question. Comment fait-on pour anéantir les protections plantées sur les terrains, les bijoux de protection ou autres éléments contenant un génie familier qu'on a sans l'avoir demandé? Comment fait-on pour anéantir? Bon. À vous entendre poser cette question, ça veut dire que vous n'êtes pas l'auteur, hein, vous n'êtes pas le propriétaire de ces choses. Mais comment vous allez anéantir quelque chose qui ne vous appartient pas? Sauf si ça vous a fait du mal. En effet, il faut faire très attention. Je parle, il y a un enseignement ici-là que je disais que chez les Blancs, je le fais. Hein, j'ai mon appareil là. Ça s'appelle la radiesthésie. La radiesthésie, ce sont des ondes qui se dégagent, des ondes négatives et tout. Et nous avons ce qu'on appelle des pendules. J'ai mon pendule qui est là. Alors, ça me permet de détecter ces ondes négatives-là quand je me présente au terrain. Ben, parfois, je n'ai pas besoin de ça. Hein. Il suffit que je me pointe devant le terrain, puis je vais sentir les vibrations. Je peux lire l'aura du terrain. Hein. Je peux sentir, je peux déterminer. Et puis, je peux vous amener à l'endroit. Je n'ai pas besoin de faire l'éveiller comme mes frères de Bouti Misoko. Ça, c'est leur méthode. Et comme je disais, je suis à un autre niveau où je ressens ce qu'on appelle les vibrations. OK? Parce que tout dans la vie fonctionne sur l'auto-vibratoire. Donc, il faut être formé pour pouvoir être en mesure de capter ces ondes-là, ces ondes, ces fréquences. Il faut être en diapason avec ces fréquences-là. Comment peut-on faire? Bon, écoutez, si vous le savez, que quelqu'un, un sorcier, ou bien quelqu'un, ou bien moi je vous dis par exemple que non, le terrain-là, il y a des choses mauvaises qui sont enterrées, eh bien, pour le faire, si vous n'êtes pas initié, ben, vous faites appel à ceux qui connaissent. Je vous ai donné l'exemple. Les gens du Nganga Misoko, ils sont reconnus au Gabon. Au Congo, il y a des gens aussi qui sont spécialisés. J'ai mon petit frère là, arrière-petit-fils du roi Makoko, il connaît. Chez les gars du Njobi, il y a des méthodes pour pouvoir déterrer ces histoires-là. Mais dans, chez nous, dans le Bouété, je vous ai dit, c'est beaucoup plus les gens des Bouti Misoko qui font ça. Vous les faites à pair, si vous êtes Gabonais, vous le faites. Au Cameroun, mais ça, tout ça existe. D'accord? Donc, il y a cette méthode. Et il y a également la méthode, comment j'appelle, de l'exorcisme. Je vous ai dit, moi, j'ai un certificat d'exorciste. Je fais de l'exorcisme. Et l'exorcisme, il faut savoir que ça, c'est la méthode des égrégores. Donc, vous invoquez des livres. Ah, voilà, quelqu'un qui insiste sur les coups de fil. Ah, et ils ne savent pas que je fais les enseignements. Donc, les égrégores, justement, peuvent agir dans ce cadre bien précis, c'est-à-dire vous faites l'exorcisme. Et l'exorcisme, ce sont des prières que vous faites, que vous, machin, vous invoquez certains esprits, et ainsi de suite. Voilà. Je crois que j'ai répondu à cette question. Est-il de... Ma question est la suivante. Est-il possible de manipuler une personne avec une entité? Si vous êtes une personne de lumière, oui. Si vous êtes initié, manipuler. En plus, moi, je n'aime pas manipuler, moi, c'est pas bon. Bon, je dirais oui. À une condition, il faut être initié. Seul un véritable initié qui est connaissant, ayant toutes les capacités, les pouvoirs, qui est capable de dominer les démons et autres, peut manipuler une personne avec une entité. Je ne comprends pas. Vous voulez dire la personne qui est sous le pouvoir d'une entité. Je comprends. Oui. La réponse est oui. I think you understand what you're saying. Can join. Okay, I understand. Is it possible? Can we join? Okay, yeah, I understand. Can joining a Freemason ring help personal spiritual development, especially in South Africa? Oh, Mason. Okay, Mason ring. Okay. Can joining a Freemason ring can help your personal? The answer will be yes and no. You in South Africa? Well, I don't know how the Freemasons operate in South Africa, but as everybody knows around the world, the Freemasons, they have one thing in common. First of all, is the charity, the help, the fraternity. They believe in that. Number two, the inner development. Yes, they do the inner development, not as deeper as the Rosicrucians do. You heard probably about the Amok Rosicrucian, ancient and mystic Rosicrucians. There, you may have a better inner development, spiritual awakening at a higher level. But the Freemasons don't focus much in the spiritual awakening as the Rosicrucians do. Okay? But if you are interested in joining them, you're more than welcome to do so. There is nothing wrong with that. Okay? Except some places where you join it, they're going to ask you silly stuff and finally carry off from the reality. Mon ex, ça c'est Nina. Mon ex petite amie me fait de la sorcellerie, mais c'est parce qu'il veut se venger de moi. Comment savoir ce qu'il m'a fait exactement? Toi, tu sais comment toi, Nina, comment tu sais qui te fait de la petite sorcellerie? Comment tu sais qui te fait de la sorcellerie? Laisse le gars partir. Toi, tu penses encore à lui, pourquoi? Il t'a fait de beaucoup de Kamasutra ou quoi? Comment tu sais qu'il te fait de la sorcellerie? Comment tu sais aussi qu'il veut se venger de toi? Est-ce qu'il te l'a dit? Réponds-moi à ces questions-là avant que je continue à la machine. S'il te l'a dit ouvertement, je te dirai ce qu'il faut faire. Bernard, je vous ai expliqué que j'ai parlé avec un médium une fois qui m'a dit que j'étais quelqu'un de très spirituel et lumineux, que mon esprit était très puissant, que j'étais protégé. Oh, bon, je ne sais pas. Tu ne m'as pas posé une question, Bernard. Pouvez-vous me dire qui est cet ange? On ne prononce pas les noms des anges là, s'il vous plaît. On ne prononce pas ces noms là. Je sais de quoi vous parlez, mais il est interdit de prononcer les noms de ces archanges là. D'accord? Il faut aller dans le livre. Avez-vous le livre, Bernard, le livre, la Kabbale pratique? Vous posez des questions trop techniques. D'accord, je ne vais pas prononcer le nom, mais je vais quand même tenter de voir si j'ai ce livre là ici. Ah, vraiment, vous les enfants là, vous cherchez à me faire vraiment trop de problèmes, hein? Vous dérangez les machins de génie là, tout ça là. Je ne vais pas prononcer le nom parce qu'il est interdit, mais je vais vous aider quand même. Parce qu'il est sur la liste là. Vous voulez vous poser des questions comme ça? Allez-y, commandez le livre vous-même. Voilà, allez-y me commander ce livre. Le voilà. Commandez-le, Bernard. Vous aurez la réponse. Parce que là, je ne vais pas prendre tout le temps à lire ça. Et puis, il est interdit de prononcer le nom de ces mecs-là. Maître, qu'est-ce qui crée les battements de cœur qui persistent pendant plus de mois? Moi, je ne sais pas. Vous buvez trop le vin. Ou bien. Bon, vous me parlez des battements de cœur. Est-ce que vous êtes sur un processus spirituel? Si vous faites un travail spirituel, c'est normal. Les battements de cœur persiste si vous faites certains rites. Là, je vous réponds, dans le cadre spirituel, lorsque votre cœur bat tellement, ça peut être parce que vous faites un travail spirituel. Et c'est souvent les rites d'appel qui créent cela. Vous faites sûrement certains rites qui sont des rites d'appel. Bon, dans le cadre de la Kabbale, par exemple, je prendrai le cas de ceux qui pratiquent le livre, là, ceux qui font le livre bleu, pratiquent le livre bleu, après avoir fait le rite d'Isis, c'est le rite qu'on appelle le rite d'Ast, ce rite-là, après un certain temps, le cœur va trop battre. Mais c'est normal. Le cœur qui bat trop là, c'est la mère qui se rapproche de vous. C'est-à-dire que c'est l'entité, c'est l'esprit qui se rapproche de votre esprit. Et ça passe par ces battements de cœur incontrôlables. Ça ne va pas vous donner un arrêt cardiaque. Parce que vous irez à l'hôpital, on vous dira non, il n'y a rien, on ne voit rien. Comprenez? Mais par contre, si vous ne faites aucune pratique mystique quelconque, s'il vous plaît, allez-y voir un cardiologue. Parce que là, c'est inquiétant, ça. D'accord? Oui, la petite cerise, tu dis quoi? Tu me dis, Maître Mouéré, oui, je suis dans le même cas que Nina. Ah bon? Oui, il me l'a dit, pour mon cas. Oh, donc, le gars t'a dit que oui, il cherche à te venger. Mais toi, tu dois être donc... Bon. Maintenant, si le gars te dit qu'il le fait pour te venger, depuis que tu suis mes enseignements, cherche à rentrer dans le monde du développement de soi. Cherche à développer ton esprit. Cherche maintenant à faire le grand travail. Fais-moi le rite du vin. Fais-moi le rite... bon, maintenant, le rite du génie le plus puissant, beaucoup de gens ont peur parce qu'il y a des gens qui m'ont fait le témoignage que ça les a calboignés, ça les a bousculés. Bon, faites-moi les rites les plus simples. Premièrement, le rite du vin ou encore le rite de l'urine. Ninao et la petite cerise. Faites-moi ces deux rites-là et vous me direz la suite. Et quand vous faites le rite, quand vous allez convoquer vos ancêtres, vous donnez le nom de votre petite amie là qui cherche à se venger, je ne sais pas qui cherche quoi. Vous citez le nom. Dites ce que vous voulez. Que Eugénie, oh, allez-y donner un arrêt cardiaque à M. Macambo. Parce que Macambo, on n'est plus ensemble. Il va me mettre la merde dans ma vie. Moi, je vais continuer. Je ne blague pas, c'est la vérité. Bien. Est-ce que le livre de la ronde des archanges peut donner la lumière? Vous avez lu ça dans quel livre? Les livres de la ronde des archanges. Je ne sais pas, hein? Probablement. Ça peut. Mais la lumière, retenez bien que la lumière ne vient que lorsque vous-même, c'est ce qu'on appelle le flat lux. Cette lumière ne se déclenche, c'est lorsque vous-même, vous êtes déjà lancé dans le travail spirituel. Au départ, vous êtes dans les ténèbres. Voyez-vous, au départ, vous êtes dans les ténèbres. Comme je l'ai dit la dernière fois, vous partez de la matière, mais vous percez ce rideau. Et c'est quand vous percez, une fois que vous avez percé le rideau, vous êtes sorti tout comme un poussin qui sort de la carcasse. De l'œuf. Le poussin à l'intérieur. Mais une fois qu'il a cassé ce truc-là, il sort. Voilà comment vous avez accès à la lumière. Mais qu'est-ce qui casse? Qu'est-ce qui casse l'œuf là? Est-ce que c'est la maman? Je ne crois pas. Hein? Moi, je n'ai jamais vu la poule qui vient casser. Sortez là-bas, mes enfants, sortez. Non, c'est pas ça. C'est pas la mère qui casse. C'est un phénomène que Tata Mwanga fait. J'ai observé. Mais c'est lorsque Tata Mwanga, l'être suprême, décide que toi, poussin, c'est ton moment de sortir. Et puis, boum, l'œuf se casse. Et... Donc, la lumière en question, ce n'est pas un livre. De la ronde, je ne sais pas qu'est-ce que vous dites là. Est-ce que le livre de la ronde, là, peut donner la lumière? Oui, c'est probable, mais je dis, la véritable lumière vient de la pratique régulière de tout enseignement qui vous est exposé. Une fois, vous, d'abord, avant de pratiquer, il faut d'abord comprendre. Voilà pourquoi je dis trois conditions. Apprentissage. Par la dépersonnalisation, la désindividualisation, qui consiste donc au passage de faire tomber un craquage complet de tous les défauts que vous avez, les mauvaises habitudes et tout, bavardage, sexe, mensonge et tout, machin. Donc, en un mot, ce qu'on appelle les assises initiatiques. Vous m'observez ces assises initiatiques, tout cela fait partie de la purification. Ensuite, deuxième aspect, connaissance. La connaissance, c'est quoi? C'est que vous apprenez, vous décortiquez les connaissances, vous faites les expériences. Tout ce qu'on vous demande, vous faites les exercices. Exercice de méditation, exercice de concentration, exercice de visualisation, exercice de ceci et cela. Et ensuite, exercice de rétrospective. Donc, ne jamais passer une journée sans passer au crible tout ce que vous avez vécu tout au long de la journée. Les actions, les pensées, les actes, les gestes, les personnes. Exercice de reconnaissance des visages. Tu es assis là, il faut... représenter le visage des personnes que vous avez vues au métro. Si vous avez vu 10 personnes, vous devez avoir la capacité de reconnaître tout cela. Vous pensez que l'élévation d'atteindre la lumière, c'est facile, hein? Les exercices que je vous parle là, ça fait partie. Il y en a mille et un exercices qu'il faut faire. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, que vous venez à la lumière. Donc, ça, c'était la deuxième. Et enfin, troisième, c'est le perfectionnement, c'est-à-dire sortir en vampire. Et c'est de la sorte que vous pouvez avoir la lumière. Mais les livres de la ronde des archanges, bon, moi, je ne sais pas, non. Je sais de quoi vous parlez. On l'a ici, mais en version anglaise. Comment se protéger du vol d'énergie par des hommes avec lesquels on a eu une relation? Oh, la petite cerise, toi aussi. Comment tu as su que l'homme-là t'a volé ton énergie? Il a murmuré des mots. Il a dit quelque chose qui t'a dérangé. Bien, pour se protéger des hommes qui volent les énergies, premièrement, il faut d'abord connaître qui avec qui tu vis. Vous pouvez savoir, hein? Vous pouvez tout de suite le savoir. Des gens louches. Si le type, d'abord, un, il travaille où? Qu'est-ce qu'il fait dans sa vie? Je n'ai pas dit ici là que tous les ministres ou tous les députés, les directeurs généraux sont forcément des francs-maçons, hein, mais moi je vous en prie, hein, vous allez vérifier, il y a seulement peut-être 2 ou 3% qui n'ont aucun fétiche. Mais la majorité, ils sont en plein dans des pratiques. Donc, le gars, il commence à exhiber tous ses millions, il commence déjà à te faire rêver, ceci, cela, il commence à t'offrir des verres. Il faut faire très attention. Il peut déjà t'envoûter à travers le verre, machin. Il existe des médicaments qu'on appelle la poudre russe. Et cette poudre russe, il y en a cette forme. Il y a la forme qu'on peut te paralyser, la forme qu'on te tue. Oh mon Dieu, j'ai un parent qui a été tué à travers ça. Pardon, ça me donne des émotions et des soucis. Mais il y a l'autre là. Dès qu'on met ça comme ça, là, ça te trouble le cœur, surtout pour une femme. C'est fini, tu es calboigné. Donc quand le corps va venir te dire, viens ici là, tu diras simplement, oui, chérie, allons à la chambre. Et voilà. Donc toutes ces histoires-là, pour comment le savoir? Ben écoutez, il y a des signes. Il y a des signes. Ça fait un bon moment que tu suis mes enseignements là. Il faut te brancher sur la voie spirituelle. Il y a des signes. Il y a des signes. Et pour se protéger, oui, il y a plusieurs méthodes. Un, c'est d'abord de ne pas accepter d'aller to go to a date, to be dated by that guy. C'est-à-dire d'accepter des rendez-vous n'importe comment. Il faut d'abord lui rendre la vie dure. Vous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, je ne sais pas si vous êtes comme nous, hein, de la vieille école. Moi, je m'en souviens, aussi, celle que j'ai connue là. Ah, elle m'a fait marcher pendant 9 mois. J'ai dit, ah, mais qu'est-ce qu'elle a aussi spécial, mon Dieu? Elle m'a fait tourner, tourner, tourner. Donc, vous, les jeunes femmes d'aujourd'hui, la fête, ce n'est pas parce qu'il y a la pauvreté et le manquement. Hein. Quand un gars vient te draguer, essaie de le faire marcher comme ça. Fais-le traîner, traîner, traîner. Tu verras comment il va réagir. Tu sauras qu'elle vient là, c'est pour vouloir faire quelque chose. Oh? Mais si toujours tu acceptes rendez-vous en avant, tu montes bêtement aussi dans sa belle voiture, tu t'as impressionné avec l'Infinity. Infinity, c'est quoi? Infinity, tu peux avoir ça ici là à 2 millions. Laisse-moi ça. Ou bien une Mercedes, ici aux États-Unis, avec 5 millions, tu peux avoir 5 millions de francs CFA. Tu as une Mercedes. Donc, il ne faut pas te faire impressionner. Voilà l'une des raisons. Ça, c'est l'une des réponses que je peux te donner. C'est d'éviter d'abord d'être avec ces mecs-là et d'accepter ce qu'ils vous offrent. Bon, Edmond nous dit quoi? Mon grand-père, le paternel, nous a dit qu'ouvertement, avoir fétiché pour notre mort, père, mère, ceci, cela. Oh, toi, ton grand-père est venu avouer comme ça. Bon, maintenant, là, si le grand-père est venu avouer que c'est lui qui a tué papa, maman. Attends, non, il a dit ouvertement avoir fétiché pour la mort. Ah, donc il a contribué à la mort de vos parents. Et il vous le dit fièrement. Maintenant, vous me demandez quoi? Vous voulez que je fasse quoi là? Que faire dans ce cas? Ah, papa, moi si c'était moi, moi je vais me venger, je vais le tuer. Parce que c'est ça. Nous, en tant qu'initiés, on nous autorise de tuer avec une raison, une seule raison. Il ne nous est pas autorisé de faire le mal pour le mal, mais il nous a autorisé d'utiliser le mal selon certaines circonstances. On utilise ce mal-là pour le bien. Bon, si papa et maman, ils sont déjà calboignés, ils sont morts. Est-ce que toi, tu maîtrisais les problèmes que papa et maman avec ce grand-père-là qui vient avouer des choses comme ça là? Moi, ce que je conseille premièrement, il faut avoir une conversation honnête avec lui. Demande-lui, mais toi, grand-père, quand tu dis des conneries comme ça, là, dis-moi d'abord, est-ce que papa, maman, mais moi-même, là, tu prémédites la mort sur nous, est-ce que tu peux nous dire un peu, toi, de pourquoi tu dis ça? Tu dois nous dire. Donc, vous posez la question, puisque vous êtes encore en vie. Et les deux, vous pouvez l'intimider. Vous lui dites, bon, comme toi, tu dis des choses comme ça, là. Nous, on va aller voir les grands charlatans de l'Inde, on va aller voir quelqu'un là-bas, on va te taper le boundou, on va te faire ceci. Vous le menacez. Vous allez voir comment il va réagir. Voilà ce que je peux vous dire. Si vous êtes gabonais, bien sûr, rigolez. Bon, toi, tu dois être gabonais. Quelque chose comme ça. Oh, ne pas rigoler. Edmond. Bon, Arlette nous dit quoi? C'est le bracelet de protection que j'ai fait pour faire mon machin pour mon fils. Mais je ne savais pas que c'était un génie familier. En rêve, une femme m'a dit que ce bracelet n'est pas bon. Ah bon? Oh, désolé d'apprendre cela. Mais le bracelet, toi, tu vas prendre ça. Qui t'a donné d'abord le bracelet, là, Arlette? On prend les bracelets uniquement qui sont travaillés par quelqu'un de confiance. Ou bien un bracelet, moi, par exemple, toutes les 29 bagues que j'ai ici, là. Moi, je ne sais pas. Mon fils, parmi mes fils, là, il y a un qui est vraiment calme, qui est trop calé dans ces histoires-là maintenant. Je suis même étonné. Je dis, ah, ça, ce n'est pas mon incarnation par hasard. Ou bien comme je parle de téléportation, machin. Bon, lui, je peux lui laisser tout cela. Là, c'est de père en fils. Je lui dirais, mon fils, tu prends ça. Mais il y a certaines que je dirais, non, faut pas jouer avec ça, parce que cela, c'est trop dangereux. Bon, maintenant, vous, le bracelet qu'on vous a donné, est-ce qui vous a donné? Vous avez pris ça où? Vous devez repartir vers la personne qui vous a donné le bracelet. Parce que peut-être ça peut être un bracelet volé et qui était destiné à quelqu'un d'autre. Tu peux pas quand même prendre ça. Si maintenant il dit que ce n'est pas bon, mais lui aussi parle comme ça, là il ne te dit pas bien. Ça c'est un rêve, un génie qui a parlé dans le rêve. Bon, maintenant s'il parle comme ça, il ne maîtrise pas. Il devait dire c'est pas bon parce que, parce que, parce que, parce que. Les histoires de faire des déclarations gratuites là aussi, ça embrouille les gens. Je te comprends, ma Marlette. Bon, Eddie, toi tu nous dis quoi? J'ai connu une personne qui parle d'autres langues inconnues. J'ai remarqué que cette personne en transe peut me dire quoi? Répéter ce que l'on avait dit à son insu et ainsi de suite. Oh, est-ce que c'est une manifestation démoniaque? Non, ça n'a rien à voir. Et dit, il faut comprendre que c'est les religions-là qui traitent les choses de démoniaques. Moi-même, des fois, je parle en des langues bizarres, je ne comprends pas. Chez les religieux là-bas, moi, je priais. Quand j'étais dans l'église, pasteur dans une église, là, c'est une forme d'église pentecôte. Oh, yo, là-bas, si tu ne pries pas en langue, là, c'est que tu es calboigné. Donc, il y a des choses que je disais, mais je recevais les révélations comme ça. Et puis, j'explique, les gens disent. Et tout ce que je disais, après, on voyait dans l'église, là, le prêtre, le pasteur principal me dit, ah! Mais toi, tu es fort, hein? J'ai dit, qu'est-ce que tu appelles fort? Moi, est-ce que moi, je connais l'esprit qui est venu parler là? Bon, pour le cas ici, ce n'est pas forcément une manifestation démoniaque, d'accord? Il faut voir ça sous plusieurs angles. Dans les églises là-bas, on va dire, oh yo, c'est démoniaque. Non, non, non, non, ça n'a rien à voir. Bon, oui, bon, donc tu ne bois pas, bon, tu as arrêté même quoi? Et pour le moment, j'ai même arrêté toute forme de prière, ok? Bon, prière et prière, ça dépend. Est-ce que pour ouvrir son troisième œil, ça comporte des risques? Ah. Qui a dit que l'ouvrir le troisième œil, c'est le risque? Mais le troisième œil, là, hein, vous tournez à gauche, à droite, je vous ai dit. Pour atteindre le stade de lumière, c'est ça, là, ce qu'on appelle ouvrir le troisième œil. Troisième œil veut dire seulement l'éveil de votre divinité, l'éveil de votre esprit. Le rite du vin et l'urine, oui, tu as déjà fait. Et puis, petite cerise, tu te plains encore que tu as problème. Il faut faire, continuer à le faire. Et il faut parler. Est-ce que tu as parlé comme j'ai dit? Et tu verras, ça va marcher. Nina, j'ai commencé à rêver de lui et il me disait en rêve que quand je faisais des sorties astrales pendant mes méditations, est-ce que quelqu'un s'est fait passer pour lui alors? Non, pas nécessairement, ça peut être lui. Je réponds à Nina. Maître, je suis dans le même cas que Nina, mais ce n'est pas lui qui m'a dit. Ah, mais j'ai dit, je vais avoir affaire à toutes ces femmes-là avec tous vos problèmes-là. Bon, écoutez, les réponses que je vais donner s'appliquent à vous tous. Maître, la jalousie, la vengeance et l'envie de faire du mal sont-ils des caprices démoniaques? Oui! Tout ça, c'est des caprices démoniaques, parce que ce n'est pas vous qui les contrôlez. Vous n'êtes pas né pour être comme ça. Tu n'as pas le droit de venger. Tu n'as pas le droit envie de faire du mal. C'est quoi cette affaire-là? Ton objectif sur Terre, c'est de faire uniquement le bien et d'avoir des envies toujours de projeter la lumière. Donc, quand ça arrive comme ça, oui, c'est des caprices démoniaques. Quoi d'autre? Les parents là sont vivants. Oui, je t'ai répondu, Edmond. Oui, je sais. Il faut seulement les réunir. Puisque tu n'as pas suivi à la fin, je disais que, puisque vous êtes vivants. Centrafricain, mais depuis 20 ans, ce ne sont que des soucis qui nous déchirent. Le grand-père a maudit jusqu'aux premières générations. J'ai peur pour l'enfant, oh, que je vais les avoir. Oh! Elle demande, mais ça, c'est grave. Oh, il a maudit jusqu'à plusieurs générations, mais lui-là, il est maudit lui-même. Écoute, premier secret qu'il faut éviter, Edmond, c'est de vivre en ouverture. Vivre en ouverture veut dire que de croire trop à ça. Soyons peu scientifiques. Parce qu'il a dit ça. Ce n'est pas forcément que ça va t'arriver. Maintenant, il faut changer les tendances. Moi, je ne sais pas. Ton grand-père s'appelle même comment? Edmond. Alors, il faut dire maintenant ceci. Que toi, le grand-père, il faut lui dire ça en face. Hein? Il dit, bon, mon grand-père, moi, tes histoires-là, hein, ce n'est pas que ta bouche, tu parles, tu parles, tu parles. Mais moi, je te dis, tout ce que tu dis là, ça ne va pas m'atteindre. Et que tout ce que tu dis, si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus, non? Il est écrit dans le livre d'Ésaïe que toute arme forgée contre moi sera redressée contre l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Toutes les paroles de malheur que tu me prononces là, les malédictions, c'est toi-même. Toi, tu as un mauvais cœur, tu es démon, tu es diabolique. Donc, tout ce que tu dis là, moi, je suis dans la lumière, où je te dis, moi, mon Dieu de lumière, là, si tu es chrétien, tu dis, mais moi, mon Dieu de lumière, Jésus, là-haut, Jésus a dit dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'à 12, quoi, que au commencement était le verbe, l'énergie, le machin, la parole là, blablabla, était Dieu, était avec Dieu, après la parole est devenue chair, s'est fait chair, là, maintenant la lumière, et quand la parole amène la lumière, c'est que sont les ténèbres enfouies. Moi, je te dis, je suis la lumière, et que toi, là, dans tes ténèbres, là, tu vas mal mourir. Vous le menacez comme ça. Et dans votre chambre, vous prenez votre enfant, vous l'attrapez et vous dites, je suis la lumière de Dieu, je suis la présence divine, Dieu et moi, nous sommes un, mon enfant n'est pas un enfant qui va être possédé par qui que ce soit, parce que moi-même, je ne suis pas possédé par quoi que ce soit, je suis possédé par l'Esprit de Dieu, je suis possédé par la... Et ça marche. Oh. En psychologie, on dit à tout état de conscience égal à tout état de vie. Donc, tout ce que vous dites, vous devenez ce que vous devenez. Alors, faites-moi cette technique que j'utilise ici avec mes malades. On appelle ça la technique d'affirmation en vue de changer et de surexciter votre subconscient, car le subconscient a des potentiels que les communs des mortels ne connaissent pas. Parce que la véritable magie, en réalité, elle est en nous. Et que la magie qui est en nous, c'est le pouvoir. Le pouvoir se trouve dans le verbe. Et dans le verbe, il y a un pouvoir qui est manifeste. Il est manifeste où? Par la déclaration consciente. Vous allez surexciter le pouvoir de votre subconscient, lequel subconscient surexcité à l'extrême, comme le subconscient n'aime pas les caprices de répétition du conscient. Le subconscient va être soumis à vos caprices et exécution sera faite. Ça veut dire que votre demande va être exécutée. Appliquez-moi cette technique, pas seulement Edmond avec son grand-père au centrafrique qui veut tuer le papa, qui veut tuer maman, qui veut tuer ceci. Ça s'applique à tout le monde, s'il vous plaît. Que Teta Mwanga, du Banga Banga vous bénisse. Je vous remercie donc de m'avoir suivi et que d'ici là, hein, que les génies nous protègent et que, voilà, j'ai quand même réussi à travers mon petit téléphone, même s'ils ont cassé, rassurez-vous, je vais acheter l'autre. Ah, les sorciers là, ils croient qu'ils ont affaire à un enfant, il n'y a qu'un. Ah, comme je suis venu parler des choses là, comment maîtriser, ils se sont dit que je vais venir dévoiler leurs secrets. Non, rassurez-vous, j'étais juste venu pour vous instruire, vous donner la véritable connaissance que, en réalité, en réalité, en vérité, en vérité, je vous le dis, que la maîtrise des esprits du miasme du bas astral, la maîtrise des génies, la maîtrise des esprits égrégoriques, la maîtrise des anges, la maîtrise des défauts et des conneries, de toute forme d'attaque dont vous êtes victime, que j'appelle les ondes négatives, la maîtrise de ceci passe d'abord par votre propre apprentissage, par votre propre éveil, l'éveil de votre conscience divine, l'éveil de votre conscience spirituelle. À travers et sanctionné par la véritable connaissance, à la recherche de cette connaissance. Une fois que vous avez trouvé cette connaissance, vous avez trouvé les belles perles de la connaissance, eh bien, vous devenez cette connaissance, donc vous êtes devenu connaissante ou connaissant. Et une fois devenu connaissant, c'est maintenant le grand temps pour vous de vivre dans la purification et le perfectionnement. Mais la purification, c'est quoi? Mais écoutez, vous pensez que les religions ont tort, que celui qui ment ira en enfer? Que celui qui vole, il va en enfer. Celui qui regarde l'œil de l'autre, avec son œil, regarde la femme de l'autre, il faut l'arracher. Mais ce n'est pas de la connerie. Ça veut dire que vous passez maintenant à l'école de la maîtrise de soi. Cette école de la maîtrise de soi, c'est maintenant avoir la maîtrise de toutes les caprices. Est-ce que telle maladie, c'est caprice? Est-ce que tel défaut, c'est caprice? Je vous dis bien, toute chose qui vous entraîne à vouloir faire du mal et entraver les principes immuables et équilibrés de la mère nature, tout ça, ce sont les caprices du diable. Pardon. Ce sont les caprices qu'il faut maîtriser. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors, que Teta Mwanga vous bénisse. Et d'ici là, portez-vous bien. Je vais pouvoir donc faire un enseignement juste après celui-là. Vous n'êtes pas obligé d'être là. Et voilà. Sinon, portez-vous. Battery 96%. Donc, les lundis, BlackBerry BBA1005. En général, les lundis, en général, les dimanches et les lundis, je ne parle pas, ne m'appelez pas, ne me dérangez pas. Donc, vous avez jusqu'à ce samedi, jusqu'à 23h59 pour pouvoir vous adresser à moi, à m'écrire. Parfois, vous posez des questions, vous laissez des voix, mais vous constatez que je ne réponds pas, mais c'est parce que je vous ai déjà répondu ou bien parce que ce n'est pas important pour moi. Voilà pourquoi vous constaterez cela. Ce n'est pas que je ne vous aime pas. Et sachez que j'ai près de 200 à 300 personnes par semaine à qui je dois donner des réponses. Et il y a de multiples demandes. Et puis quand vous venez comme ça pour me dire, maître, je ne sais pas ce qu'il faut faire, oh, oh yo, je suis attaqué, je suis ceci, oh, aidez-moi, oh, je ne répondrai pas parce que vous n'êtes pas précis dans votre déclaration. Qu'est-ce que vous voulez dire? Dites-moi que non, vraiment m'enlever de l'école, j'aimerais que vous me disiez. Ou bien mon mari m'a abandonné, ou quoi, ma femme m'a triché avec un autre mec, moi je veux savoir. Là en ce moment, vous êtes précis. Mais si vous me dites seulement quoi, yo, il y a tel problème, moi je ne sais pas ce qu'il faut faire. Je ne peux pas vous aider, s'il vous plaît, je suis désolé. Soyez des adultes. Merci encore. D'ici là, retrouvons-nous. Que tes témoins, que tu banques, vous bénissent. Merci beaucoup. Merci.